disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode numéro 15. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Brins à l'adresse suivante eelb.su, je répète, eelb.su. Cela vous permet de commenter les articles qui paraissent sur le site de Démocratie Participative, mais aussi de commenter les émissions lorsqu'elles paraissent et de participer à différentes sous-sections, pardonnez-moi, du forum, crypto, informatique, révisionnisme historique, blabla, enfin bref, vous avez de quoi faire, donc n'hésitez pas à vous y inscrire à l'adresse que j'ai donnée. Maintenant, je vais présenter les membres de la semaine. Alors, je vais commencer tout de suite avec Fulbert. Salut Fulbert, comment vas-tu ? Bonjour Gandalf, Fulbert va bien, merci, et bonjour à tous aussi. Et avec nous aussi cette semaine, Alex. Alexis, comment vas-tu Alex? Salut Gandalf, ça va, bonjour tout le monde. Et avec nous aussi cette semaine, Merlin, comment vas-tu cher Merlin? Ça va très bien, ménage de printemps dans mon labo, que j'aimerais étendre à toute la région, si possible. Je comprends. Nettoyage. Pierrot est aussi avec nous cette semaine, salut Pierrot. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Et enfin, cette semaine, encore une fois, est avec nous Porovitch. Salut Poro. Bonjour à tous. Oui, ça gaze. Ça gaze. Bah tant mieux, il faut que ça gaze. Alors messieurs, avant d'entamer l'émission, je tenais à remercier évidemment nos donateurs qui peuvent nous soutenir grâce à Monero. Normalement, prochainement, on annoncera un autre moyen de paiement, toujours en crypto-monnaie, ça sera sur la Pirate Chain, donc la chaîne pirate, si vous voulez. Mais on en parlera. Voilà, ça c'est c'est une offre supplémentaire en fait. Mais bon, bien sûr, Monero est toujours notre crypto de choix, mais on tient toujours à élargir les possibilités techniques pour éventuellement satisfaire des demandes en ce sens. On en reparlera, voilà. En tout cas, merci à tous nos donateurs, notamment à ceux qui ne nous envoient pas de courrier. Alors, on va confirmer ceux qui nous ont demandé des confirmations. Désolé, il y a un retard, autant pour nous. On va confirmer les dons que vous nous avez faits. Et pour le don de cette semaine, on en a un, une personne nous a écrit en tout cas. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à vous manifester, hein, si vous le souhaitez. C'est Watchumi qui nous fait un don de 1 Monero. Bonjour, cela fait longtemps que je désirais participer à votre effort. J'ai 66 ans et j'ai deux garçons de 20 ans à charge. Je vis dans le sud de la France, collé à Monaco, la cité de la démesure, voyouserie mondiale. Je vous lis et vous écoute avec délectation. Continuez comme ça. Merci, Watchumi. Maintenant, nous allons pouvoir commencer l'émission en tant que telle avec la première rubrique, courrier des lecteurs. Nous avons un témoignage très intéressant, c'est d'un jeune auditeur ou et lecteurs, grâce auxquels, enfin, qui a, grâce à nous, évolué. C'est ce qu'il nous explique dans ce témoignage. Alors, chers participants, n'hésitez pas à couper cette lecture, hein, si vous souhaitez intervenir. Pas besoin que je le lise d'une traite pour que vous puissiez faire valoir telle ou telle observation. Donc je vous invite à m'interrompre le cas échéant, mais je vais vous lire ce témoignage. Alors, bonjour chère équipe de démocratie participative. Je m'excuse par avance, ce courrier sera un peu long. Cela fait maintenant déjà 3 ans que je vous suis et aujourd'hui j'ai décidé de sortir du silence. J'ai décidé de vous livrer mon premier témoignage. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour le travail que vous effectuez. Vous m'avez ouvert les yeux sur le péril juif et sur tant d'autres choses. Je reviens de loin. Un côté de ma famille est issu de l'extrême gauche négrophile. Mon grand-père est un humaniste proche d'un célèbre juif pédophile. Vous comprenez, il a vu le fascisme de ses yeux. Pendant l'occupation, il était enfant et vivait dans la ferme familiale. On peut vraisemblablement dire qu'il n'a manqué de rien. Il a bien vu quelques bombardements et fusillades, comme tout le monde à l'époque. Pourtant, à l'écouter, il a vécu sur le front de l'Est et est passé par le goulag. De l'autre côté de ma famille, on trouve des profs, dont une s'est reconvertie en politique. Maintenant, elle travaille dans les bureaux d'un parti de gauche et impose l'anal dans sa municipalité. J'ai été élevé dans la plus stricte doctrine antiraciste et pédo-LGBT. Ces idéologies mortifères m'ont pris mon enfance, comme dirait Greta. Mes parents ont voulu pour moi une éducation exemplaire. Malgré leur haine viscérale de l'Église, je me suis d'abord retrouvé dans des établissements privés catholiques. Ces établissements, bien que racialement préservés, étaient des poubelles idéologiques. Ensuite, le lycée public. Quelques nègres, quelques bougnoules. Mais surtout, beaucoup de féministes à cheveux bleus, de pédales et de nègres manteaux, donc des blancs, hein. Il serait trop long de raconter cette période de ma vie où, en tant que mâle blanc hétérosexuel, je n'avais pour ainsi dire aucune valeur. J'étais donc supposé être un white knight qui devait servir le bien, donc le camp du bien, tel qu'on me le montrait depuis toujours. La dépression et le nihilisme sont arrivés sur l'adolescent sans repère solide que j'étais alors. Grâce à un camarade et à votre émission, j'ai pu remonter la pente dès la fin de la terminale. J'ai quitté la fac très tôt, sans diplôme. Ce n'est que récemment que je me suis rendu compte qu'on ne me proposait que des auteurs juifs, donc dans son cursus scolaire, j'imagine. À l'époque, je ne voyais pourtant que des œuvres de gauche, donc il ne voyait pas le caractère hébraïque de la question, quoi. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, j'ai une femme arienne magnifique et convaincue par la juste cause que défendait notre Führer, dont on a souhaité d'ailleurs l'anniversaire la semaine dernière. Bientôt arrivera un premier enfant blanc. Moindre participation au combat nataliste qui fait déjà rage dans les maternités françaises. Alors félicitations, cher auditeur. Deuxième point. Bien qu'ayant de la famille bien placée dans la pyramide gauchiste, mes parents n'ont longtemps été que deux hippies très peu productifs. J'ai passé mon enfance à dépendre d'associations du type Resto du Cœur ou Secours catholique. Ainsi, j'ai tout fait pour éviter d'avoir recours à ce type de structure jusqu'à peu. En effet, la crise du Cohen-19 a particulièrement affecté mon commerce, pourtant classé essentiel, et comme notre camarade, oui c'est vrai, celui qu'on avait aidé, vous vous en rappelez, que je salue en passant, lui il vivait dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, vous en rappelez, j'ai été et je suis toujours confronté à de graves problèmes financiers. J'ai donc poussé la porte des Restos du Cœur local. Comment vous décrire ce que j'ai vu? D'abord, les bénévoles. Des boomers. Sans exception. Une vieille boumeuse, particulièrement peu aimable, a rentré mon identité, m'a demandé mes revenus et la composition de mon foyer. Elle n'a d'abord pas compris que je n'ai pas de fiche de paye ou de chômage. Elle a dû appeler un autre bénévole pour enfin comprendre que mon chiffre d'affaires n'était pas un revenu net. Ah oui, donc, oui. Et oui, dur pour cette communiste à la retraite de comprendre que j'étais un salaud de patron qui ne se versait même pas de salaire. Après une petite explication fiscale, j'ai pu recevoir le sésame, un papier avec un nombre de points par catégorie de nourriture. Une fois que vous avez ce papier, vous pouvez commencer à faire la queue pour recevoir gratuitement votre alimentation. Le problème de ce mot « gratuitement », c'est qu'il attire les rats et les cafards. Vous l'aurez compris, je vais vous parler des bénéficiaires. J'ai été surpris de voir si peu de nègres et de bougnoules, ils devaient représenter au minimum 20% des effectifs. À peine de quoi remplir un wagon. Il est vrai que je ne vis pas dans une commune particulièrement grand remplacée. J'ai eu droit à de la Fatima obèse, avec ses quatre négrillons qui hurlent pour demander à jouer sur l'iPhone de leur mère. Un iPhone dans ce lieu. 3 points de suspension. Quelle odeur ! Ensuite, il y avait des blancs. Mais lesquels ? Des anarchistes, des punks à chiens crasseux, des cheveux bleus, des boomers encore. Des Vanessa CAP coiffure avec leur mulâtre. Tous les dégénérés possibles et imaginables. Un est arrivé sur une moto neuve, un autre en Audi. Ils parlent tranquillement de leur trafic et comment obtenir telle ou telle allocation. À vomir. Comprenez, les charges sociales sont ce qui fragilise le plus mon entreprise. Elles représentent en ce moment 40% de mon chiffre d'affaires. Mais dans les mauvais mois, je suis déficitaire. Pour la distribution de nourriture, vous devez passer de stand en stand avec votre papier. Ce qui m'a impressionné, ce sont les quantités de nourriture. Des denrées longues, conservation, des produits d'hygiène, du pain, des légumes, des fruits et même des gâteaux industriels. Les Français donnent de bon cœur. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un système à points. Seulement, ce système ne fonctionne que pour les denrées industrielles. Les légumes et les fruits sont disponibles presque à volonté. Arrivé à ce stand, le boomer qui s'en occupait m'a expliqué que les personnes qui demandaient des produits frais étaient de plus en plus rares et qu'il les donnait volontiers à qui les voulait. Au moins une chose que les nègres n'auront pas. Pour conclure, je voulais juste vous présenter ce trou à rat que sont les Restos du Cœur. J'ai bien vu quelques personnes vraiment dans le besoin, des vieux à la retraite, avec très peu de revenus, quoi, hein. Des personnes légèrement handicapées qui avaient du mal à trouver un emploi ou des mères de famille dont le mari est au chômage. Et maintenant, des entrepreneurs au bord de la faillite, donc comme notre auditeur malheureusement. Ces personnes ne doivent représenter que 5% des bénéficiaires dans ma commune. Le reste sont des parasites qui sucent les impôts des travailleurs blancs, mais aussi les dons des Français inconscients. Néanmoins, je tiens à remercier les nations crédules qui ont donné de la nourriture au resto et les gauchistes qui pensaient nourrir un nègre supplémentaire. Bien à vous, et c'est signé Négrocide Actif. Alors, deux choses hein, dans ce témoignage. Bon, alors c'est un épisode difficile pour notre auditeur, qui soit assuré de tout notre soutien, bien sûr. Mais il y a deux choses. Donc d'abord, il y a le parcours qui est le sien, première partie de son courrier. Et deuxièmement, le fait que il ait dû se résoudre à se rendre au Resto du Cœur pour pouvoir vivre, ou survivre, le mot est le plus juste. Et il découvre qu'il y a... comme il a dit, tous les parasites qu'il a formidablement bien décrits. Alors, messieurs, quelle partie du courrier retient votre attention en premier lieu ? On peut peut-être commencer simplement par le début, son évolution. Quelqu'un voudrait dire, enfin, simplement, vous pouvez dire quelque chose sur ce qu'il a dit, tout simplement ? Oui, il fait remarquer que les vrais pauvres, c'est peut-être 5% du public. Oui, c'est ce qu'il dit, oui, tout à fait, oui. C'est intéressant, mais effectivement, oui, ça recoupe des choses que j'ai pu voir ou que j'ai pu lire. Il y a des vrais professionnels de ce genre de choses, de ces gens qui, effectivement, se font payer de la bouffe gratuite, cochent toutes les allocs systématiquement, et qui profitent de tout ça. Enfin, moi, ça ne m'étonne pas, tu vois, les gens qui arrivent en grosse bagnole avec des iPhones. Moi, j'ai vu ce genre de choses. J'ai vu aussi des gens, le jeudi, vous les voyez au Resto du Cœur, Le vendredi, ils sont à, je sais pas, la banque alimentaire. Le mercredi, ils sont à un autre truc. Le mardi, encore un autre. Ça interroge. Bah oui, parce que je présume en plus qu'entre le Secours populaire, le Secours catholique, SOS, non, les Restos du Cœur, les mecs ne recoupent pas leurs informations, je présume, quoi. Je sais pas comment fonctionne le système, mais il y a moyen de gruger. Et il est évident que les rescueurs en puissance doivent gruger plus que gruger, quoi, à mon avis. Mais je pense qu'ils risquent pas, en fait. Je pense que les critères d'attribution sont taillés sur mesure pour eux. Ils n'ont pas besoin de tricher. Ou pas systématiquement. Oui, Je suis même pas sûr qu'il y ait des vérifs comme les Gandalf, même s'il y en a les une. vrais pauvres, il les voit arriver, bon, ils t'acceptent. Mais tu vois, il le dit bien, il y a des systèmes de cartes à points. Ouais, mais Et ça, c'est oui, ce que je. je pense que les critères sont faits effectivement pour favoriser ce type de public. Donc effectivement, bah ouais, après tu les retrouves dans des Audi, dans des grands monospaces, effectivement, avec des iPhones. Même s'il y a une photo sur la carte en question à points, il est possible que, de toute façon, vu que c'est impossible de reconnaître un nègre par rapport à un autre nègre, les types peuvent s'échanger des cartes entre eux. Je rejoins un peu Revit, je pense qu'il y a peu de contrôle ou pas de contrôle, puisque de base, sur quels critères en fait vont s'effectuer les fameux contrôles? Ce serait même peut-être assez impossible à faire dans les faits, quoi. À part l'individu A s'est pointé le mercredi pour l'association A. Faudrait peut-être pas aussi qu'il se repointe le lendemain pour une autre assoce. Compliqué, hein. Bah, de toute façon, Comment? je vais te dire, hein, de toute façon, c'est tenu par des gauchistes. Tous ces gauchistes sont anti-flics. Je veux dire, donc les mecs, ils vont dire hors de question que je vérifie, etc. Ce qu'un pauvre, parce que c'est des gens, ils sont complètement névrosés par leur propre idéologie, quoi. Je veux dire, donc, ils ne. Enfin, j'ai eu lu hein, dans la presse aussi des témoignages d'anciens bénévoles qui avaient été écœurés de voir comment se comportaient les Arabes, etc. Mais il y a quand même beaucoup de communistes endurcis qui, si tu veux, par principe, refusent catégoriquement de vérifier la gruge, quoi. Hein. Sauf s'ils voient un client, tu vois, qui revient, si c'est, enfin, sauf si c'est vraiment flagrant. Mais je ne pense pas qu'il existe un système de vérification entre les différentes structures, c'est ça que je voulais dire, entre les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire, je ne crois pas qu'ils se partagent les bases de données, vous voyez, ça m'étonnerait, tu vois. Bon, je peux me tromper, hein, à voir, hein, mais ouais, je pense que tu peux très largement te faire plaisir, enfin, quand je dis tu, hein, c'est quand tu es un profiteur professionnel, un parasite professionnel, je pense que tu peux assez facilement. Il y a vraiment des sous à faire, hein, parce que tu as les associations qui donnent de la bouffe, comme les Restos du Cœur. Tu as ceux qui te vendent ou qui te donnent des meubles neufs ou quasiment neufs pour un billet, voire gratuitement. Donc tu peux comme ça meubler ton appartement à partir de zéro aux frais de la princesse. Quand je dis meublé, ça compte l'électroménager, quoi, c'est-à-dire. Frigo, machine à laver, etc. quoi. C'est vraiment Ouais. à la fin, ça représente une somme, quoi. Et pendant ce temps-là, les autres, eux, il faut qu'ils payent tout cash, quoi. Alors ça, c'est ce qui est intéressant dans son témoignage, c'est que lui est un petit patron indépendant et qui n'arrive pas à cause du, hein, du scam là, qui est le rhume 19 qui n'arrive pas à rejoindre le debout, comme c'était le cas de la personne qu'on avait aidée, qui lui avait sa femme malade en charge. Et c'est un type qui appartient typiquement à la catégorie des gens qui se font assassiner par le fisc, quoi. Et quand il va au restaurant du cœur, il se retrouve, c'est marrant parce qu'il se retrouve dans une situation où il est des deux côtés de la barrière en même temps. Et Oui, c'est la c'est là que double t'es peine. vrai, c'est la double peine, et c'est là que t'es vraiment écœuré parce que tu vois les types qui sont les parasites. Toi, tu vois là, t'es assassiné par le fisc et tu viens pour essayer de survivre et tu vois les parasites qui branlent rien, qui arrivent effectivement en Audi avec des iPhones. Tu vois les mookers, etc. Mais il dit c'est pas la majorité, t'as tous les professionnels parce que peut-être que dans sa région, de toute façon, l'immigration n'a pas atteint de tel niveau qu'il y a un maximum de parasites de cette sorte, quoi. Mais t'as les punks à chiens, les cassos, enfin toute cette crasse-là, hein, qui existe, hein, je veux dire, dans la race blanche aussi, je veux dire, il faut le dire, il faut le souligner, quoi. Voilà, et il dit voilà, les vrais pauvres, en fait, c'est ouais, c'est 5% des gens, quoi, les gens qui sont dans une vraie précarité. Et le pire, qui n'ont pas c'est ceux qu'on va le moins aider. Je te dis, il y a des systèmes de critères, et je pense que ça filtre beaucoup, et ça explique pourquoi il y a des gens qui viennent en Audi, tu vois. Ah oui, non, mais totalement, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais on déjà, va, on va, pour une fois encore, privilégier, comme pour les allocations familiales, on va cibler comme ça certains types de publics à qui on va donner deux fois, trois fois plus qu'aux autres. Ouais, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Donc ça, c'est une expérience qui est difficile. Bon, je tiens à dire ça à notre auditeur, c'est difficile, c'est une mauvaise passe, bon, mais il est jeune. Donc, faut pas désespérer, faut pas... voilà, mais c'est vrai que c'est une période délicate avec tout ce qui se passe. Mais il ne faut pas se laisser happer par la spirale. Première partie du courrier aussi qui était intéressante, c'était... bon, faut se mettre dans ses pompes, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient, c'est un jeune qui vient d'une famille de gauche, où on l'a vraiment, où il a subi le lavage de cerveau, tu sais, on lui a inculqué vraiment l'idéologie dominante, où tu sais, tu te fais... On t'apprend, on t'enseigne la haine de toi-même, la haine de ton propre peuple, la haine de ton pays, tu vois, voilà, la haine de tes ancêtres, etc. Donc tu commences avec ça sur les épaules, c'est quand même terrifiant, quoi. Tu vois, quand t'as des parents qui te chargent comme ça, tu vois, pour t'inculquer ce genre de truc. Et ensuite tu vas à l'école, c'est corroboré parce que t'as tous les profs de gauche qui martèlent le même truc, l'idéologie dominante qui te martèle le même truc. T'allumes ensuite une télévision, enfin dès que t'as un écran quelque part. Cette idéologie de merde déborde de partout, voilà, donc les blancs sont des salauds, l'histoire de France c'est de la merde, tu vois, t'es la dernière des ordures, et ça c'est ça qui est assez tragique, c'est que le mec se rend compte qu'il est en fait pratiquement un des seuls éléments productifs de son environnement. C'est qu'en tant qu'homme blanc, il découvre qu'il est un des seuls éléments productifs, tous les autres sont des parasites, quoi. Et c'est vachement dur de faire cet apprentissage. Tu vois, quand tu viens de ce genre de famille, où on t'a appris à te culpabiliser, à porter ça en toi, puis progressivement tu commences à t'en libérer. Alors je suis content que ce soit notamment via l'émission et puis via des connaissances à lui, et que progressivement il s'est dit, mais c'est pas possible, je peux pas entamer une vie comme ça en partant du principe que je suis une ordure, quoi. Je veux dire, voilà. Et pour lui, c'est vraiment un apprentissage vraiment à la dure à tous les niveaux. Il a dû se libérer de toute cette aliénation, et c'est pas un petit travail sur soi, quoi, parce que c'est pas offert, hein. Je veux dire, voilà, tu peux pas, c'est pas comme dans le film Matrix, quoi, où tu choisis la bonne pilule, quoi. C'est pas aussi simple. Oui, il y a pas de Morpheus qui vient te chercher, hein. Non, c'est ça, voilà, c'est une série de rencontres, c'est une interrogation, et puis au bout d'un moment tu dis non, mais là il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche, quoi. Voilà, mais c'est souvent très difficile, parce que quand t'as une majorité de gens dans ton environnement qui te dit la même chose, tu dis putain, c'est moi qui déconne, quoi. On l'a vécu, moi je l'ai vécu aussi. Ma famille était de gauche, mes profs étaient de gauche, ma télévision était de gauche. Tu peux grandir dans un système comme ça, arriver à l'âge de 25-30 ans, sans jamais avoir entendu un discours avec un point de vue de droite. Jamais. Ouais, droite ou critique, tout simplement, hein, je veux dire. Mais ouais, c'est pour ça que c'est... lui, là, il suit tout le cursus, hein, je veux dire. Notamment en tant que petit entrepreneur qui se retrouve dans la situation qu'il a décrite, là. Il a encore ajouté un petit peu à son expérience, mais qui désespère pas, je veux dire. Voilà, si maintenant il a un nouveau regard sur la vie, et c'est une arme. Parce qu'il a compris véritablement comment la société fonctionnait, et maintenant qu'il a compris comment elle fonctionnait, il pouvait aussi l'utiliser à son avantage. Donc il faut être malin, mais j'ai bien aimé ce courrier, parce que il est assez jeune, je pense, notre auditeur. Et voilà, c'est la prise de conscience. Il y a une possibilité pour lui quand même, s'il est vraiment très jeune, c'est l'expatriation. C'est toujours une possibilité, mais même en restant en France, je veux dire, s'il est malin, il pourra toujours s'en sortir. Je veux dire, il y a toujours des moyens de s'en sortir. Faut jamais broyer du noir. Moi, c'est ça que j'aime pas. Justement, je pense que c'est ça qui distingue notamment les fascistes de la droite réactionnaire. La droite réactionnaire étant quand même beaucoup plus majoritaire dans l'opinion critique, on va dire, que le fascisme, c'est clair. Mais un fasciste blanc est joyeux. Un fasciste blanc, il aborde la vie. Bah c'est ce que je dis, quoi, par rapport à tout ce qu'on... Parce qu'ici, on parle souvent de faits assez durs, quand même, quand on parle de démographie, quand on parle de... Mais on essaie toujours de l'aborder avec une joie et une envie d'en découdre. Alors que j'ai remarqué que la droite réactionnaire est souvent dans un constat affligé de ce qui se passe, en se disant, bah, demain, ça sera pire. Tu vois, un pessimisme fondamental qui est présent dans la droite réactionnaire, que moi, j'ai jamais partagé. C'est vrai que ce sera difficile, ce sera même très difficile et très merdique, mais c'est toute une série de challenges, de défis à relever. Moi, pour ça, je suis toujours très exalté. Ça m'exalte, moi. Plus il y a de difficultés, plus je trouve ça exaltant. Et je pense que... ça, c'est peut-être un point que j'élabore pas assez dans les émissions, mais... Chaque génération a son regard sur son époque. Et d'une certaine façon, les boomers, en raison de la France qu'ils ont connue, etc. C'est des gens, c'est des éternels optimistes. C'est des gens, ils sont éternellement optimistes. Ils sont viscéralement utopistes, viscéralement optimistes, et pour eux, tout ne peut qu'aller bien. Vous voyez ? Parce que pour eux, tout est allé, grosso modo, assez bien, comparativement. Alors qu'un jeune blanc qui commence à voir clair en 2020, 2021, ou un peu avant, je veux dire, lui, il pourrait avoir tendance à développer un point de vue radicalement pessimiste. C'est-à-dire que tout est merdique, tout sera toujours merdique, ça va être de pire en pire, c'est affreux, tu vois, il n'y a pas de porte de sortie, tu vois. C'est-à-dire une espèce de négatif de la génération de 68. Et moi, je pense que la vérité est au milieu, en réalité. Tu vois, c'est-à-dire que oui, la situation est merdique, mais il ne faut pas développer un pessimisme culturel. Qui est mortifère, tu vois, parce que ça mène au fatalisme et à la paralysie et à la peur du futur. Ce que je crois qui serait vraiment néfaste. Je pense qu'un jeune doit pas réfléchir comme ça. Quand tu as 20 ans, il faut quand même regarder l'avenir avec envie, avec ambition, même quand c'est très dur et même quand c'est vraiment merdique. Et c'est très merdique. Et un jeune fasciste blanc, moi je dis, c'est, fasciste blanc pour moi c'est une catégorie... plus psychologique que politique, c'est-à-dire c'est un jeune blanc sûr de lui et dominateur, tu vois, hein. Et je pense qu'un jeune blanc sûr de lui et dominateur, tu vois, il peut passer à travers les épreuves. Mais c'est intéressant, tu vois, les rapports entre générations, tu vois, les boomers, les fils de boomers, les petits-fils de boomers. Mais tu parles, quand tu parles aux boomers, ils comprennent rien de ce qu'on dit, sauf quelques mecs qui étaient des droitards et qui sont, tu vois, qui dès l'origine, tu vois. Mais et qui sont mal à l'aise vis-à-vis de leur propre génération d'ailleurs. Mais voilà, et donc voilà, donc c'est ce que je voulais en profiter pour dire ça, je veux dire, quand tu te libères de cette gang, enfin cette espèce de avec tous ces tabous, parce qu'on c'est fou quand même ce qu'on met dans la tête des gamins, je veux dire, aujourd'hui. T'imagines, t'es un jeune blanc, déjà nous à notre époque c'était déjà pesant, mais alors aujourd'hui avec tout ce qui déblatère, un jeune blanc on peut plus quoi. Un jeune blanc qui veut vivre, je veux dire, hein, qui a un instinct de vie, quoi, qui veut survivre, qui est pas traversé par des pulsions de mort, là, comme tous les gauchistes. C'est ça, hein, la gauche, c'est la pulsion de mort. Hein. La gauche blanche, c'est les blancs qui veulent crever, hein, bon, bah, qui crèvent, hein, c'est tout. Hein. Mais les petits blancs qui veulent survivre, eux, il faut qu'ils regardent l'avenir avec envie. Quoi. D'autant plus que s'ils font le diagnostic que c'est la merde, il y a beaucoup de choses qui vont mal. Ok, hein, pourquoi pas, mais à moi, à ceci, je rajoute, oui, bah, tant mieux, parce que du coup, il va y avoir un renouveau. À un moment donné, s'il y a tout qui part mal en France et ça tient pas, il n'y a pas de socle, il va y avoir un effondrement et un renouveau. Voilà, faut pas oublier la dernière partie. Bon, je suis convaincu qu'il va arriver ce renouveau. Quand ? Je sais pas, j'espère le vivre très prochainement, mais ça ne peut pas tenir comme ça, de toute façon. Il ne peut pas exister une société où, en fait, il y a 5% de force productive et 95% de parasites. À un moment donné, il y a tout qui s'effondre. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'on va arriver vers des temps héroïques, là. Au sens... vraiment au sens profond du terme. C'est-à-dire qu'on va vers des temps difficiles, avec même des questions d'ordre existentiel, parce que là, vu les volumes d'immigration, vu les dangers qui pèsent sur nous, puis la guerre raciale qui nous est déclarée, je veux dire, maintenant, voilà, c'est bon, les halogènes, ils mettent carte sur table, là, on l'aborde bien en détail dans l'émission, donc voilà, c'est, je veux dire, on sait très bien ce qui nous attend, les musulmans sont aussi très clairs, je veux dire, bon, voilà, puis même les médias, le pouvoir établi, bon, donc on sait à peu près ce qu'on nous réserve. Mais après, il y a aussi une question de nombre, c'est-à-dire qu'il y a quand même encore quelques dizaines de millions de blancs. Alors même s'il y a une partie des pommes qui sont pourries, il y a aussi une partie des pommes qui est encore saine. Et ces mecs-là, ces jeunes blancs-là, ils vont vouloir se retrousser les manches parce que bah déjà ils n'auront pas le choix. Hein. Ils n'auront pas le choix. Ils vont pas tous sauter du haut des ponts, je veux dire. Donc ces temps héroïques-là vont former toute un nouveau type de jeunes blancs et d'hommes blancs en général, quoi. Et nous, ce qu'on se tape en ce moment, c'est la génération de tous les tocards. C'est les sous-hommes, quoi. C'est les sous-hommes, on peut appeler ça comme ça. Typiquement, c'est Aurélien Taché. Je sais pas, vous connaissez ce politicien-là ? Islamo-gauchiste. C'est un fils de boomer à peu près. C'est un trentenaire qui va sur sa quarantaine. Il est mou, il a aucune vitalité. C'est un larbin à bougnoule absolu, c'est-à-dire que les bougnoules peuvent faire n'importe quoi. Il est là en train de leur polir le nœud. Je veux dire, voilà, bah ça, vous voyez, cet archétype-là, ça va disparaître, ça. Ça va disparaître. Une sorte de sélection naturelle qui va s'opérer. C'est pas viable, ça. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les gens qui ont vécu dans des temps difficiles rebâtissent une société, donc ils créent des temps faciles, puis après donc du confort. Après, les gens qui vivent dans trop de confort, finalement, se ramollissent totalement, sans parler du côté idéologique qu'on a déjà développé. Et après, finalement, il y a un côté cyclique, quoi. C'est-à-dire que trop de confort mène à la décadence, la décadence amène à une réaction, etc. Donc oui, ça revient, même on le voit au niveau des pays, il y avait des pays qui étaient complètement... La Chine, il y a 40 ans, c'était un pays alors très vaste, d'accord, très peuplé, d'accord, mais qui n'avait pas du tout le poids qu'il a maintenant. Il y a d'autres exemples, bien sûr, mais l'inverse est toujours vrai. J'ai envie de dire que si on cède tout à ce que réclament les minorités, les féministes, les nègres, les bougnous, en fait, tout s'effondre d'un coup. En fait, si on cède vraiment tout, là, on cède progressivement. Donc, on voit l'effondrement progressif. Mais il faut bien se dire que si on va au bout, de toute façon, tout se casse la gueule. Donc, c'est juste logique. Et c'est pour ça que je reviens à ce que disait Gandalf par rapport au REAC. C'est que eux, ils sont pessimistes. Nous, on est optimistes. Parce que nous, on a une longueur d'avance. On sait que tout va s'effondrer, tout simplement. Et on n'espère plus rien. Donc, à part que ça aille jusqu'au bout, quoi, le plus vite possible. Alors que les autres espèrent encore sauver les meubles. Mais même les meubles, moi, j'ai pas envie de les sauver, en fait. Ouais, en fait, pour reprendre l'analogie qu'on avait débuté tout à l'heure sur le film Matrix, moi je vois les réacs comme le personnage de Cypher, vous savez, le chauve qui trahit, et qui, en fait, lui, il a fait le diagnostic, la droite a fait le même réac, fait plus ou moins le bon diagnostic, et eux, ils choisissent de tergiverser, de trahir, on va s'en accommoder, quoi. Mais nous, en fait, une fois qu'on a pris la pilule, hein, la bonne pilule rouge, en fait, il n'y a pas de retour en arrière. On est convaincu qu'il y a un combat qui est à venir et on ne pourra pas l'esquiver. En fait, on n'a même pas envie de l'esquiver. On se dit, le monde d'avant, celui qu'on a connu avant d'être de droite, moi je vois ça limite comme une conversion, comme Saint-Paul qui tombe de son cheval à l'époque où j'étais gauchiste et puis d'un coup, hop, je vois la lumière, quoi. J'ai pas envie de retrouver cet état-là, quoi. Une fois qu'on a goûté un peu la vérité, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ouais, ça, c'est des mutations générationnelles. Hein. Donc, c'est pour ça aussi, il y a des incompréhensions. Et moi, quand j'ai cité souvent ce sociologue de gauche, ce qui est d'autant plus intéressant puisqu'il n'est pas de notre bord, c'est Jérôme Fourquet et son bouquin L'archipel français, là, qui a fait mouche, parce qu'il a décrit une réalité qui était en cours. Alors, en fait, c'est l'éclatement de la société française en raison de l'immigration de masse. Hein. Et aussi d'autres facteurs, l'individualisme et tout. Voilà. Pas uniquement l'immigration. Hein. Mais il montre bien cet éclatement et il explique que les catégories très, très arrêtées, très nettes qui se sont installées en France depuis 200 ans, progressivement d'ailleurs avec beaucoup de difficultés, hein, et la synthèse finale qu'on a connue ces 50 dernières années, une espèce de synthèse catholico-républicaine où voilà, tu as une culture chrétienne sédimentée sans vraiment de pratique, avec des partis de gauche majoritaires, etc., avec dans une société globalement très stable et en expansion économique. Il dit, voilà, cette génération-là et ces gens-là ont cru que ces valeurs-là étaient acquises définitivement. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc il y a des tas de choses qui sont considérées comme centrales et admises par tous aujourd'hui, qui dans 20 ans ou 30 ans seront obsolètes pour l'écrasante majorité des gens. D'accord ? Donc il y a des tas de trucs qu'on pense, c'est des vaches sacrées, vous savez, c'est des totems. On ne peut pas du tout les remettre en cause. Un des gros totems, là, si vous, ça, vous ne pouvez pas ne pas l'avoir senti, quoi, parce qu'on vous l'explique d'ailleurs. Un des grands totems qui est en train de se casser la gueule, c'est ce qu'ils appellent la laïcité. Vous voyez bien que c'est en train de se casser la gueule, ce truc. Alors, chacun met derrière ce mot ce qu'il veut, hein, je veux dire, bien sûr. Mais dans ce système-là, dans le système républicain, c'était vraiment considéré comme une pierre angulaire. Et c'est plus du tout évident. Et nos auditeurs savent ce dont je parle, puisqu'on en a parlé même avec Vincent Renoir la dernière fois, avec ce qui se passait au Pakistan, etc., et puis dans d'autres émissions. Donc, tout ça est mouvant. C'est très, très mouvant. Et là, ce que je pense, ce dans quoi on se trouve, là, c'est une rupture générationnelle. Donc la génération de l'après-guerre disparaît, progressivement, hein. Ses valeurs, et j'allais dire le statu quo idéologique et culturel qu'elle a porté est en train de s'évanouir. Donc là, il y a un moment d'interrègne, on ne sait pas exactement vers où ça va. On voit l'émergence de l'islam, avec toute une série de valeurs, d'idées arrêtées, sous toute une série de questions. Et face à ça, on voit les jeunes blancs, je pense. Alors au départ, bon, voilà, on leur dit, ouais, mais ça va bien se passer, voilà, consumérisme. Puis on sait que ça va être beaucoup plus dur. Et là, va falloir que des valeurs se sédimentent. Donc on va voir ce que ça va donner. On va voir. Mais tout ça est encore en mouvement et. Et je pense que c'est pour ça que ce qu'on fait est important, c'est de ne pas faire perdre du temps comme le fait la droite réactionnaire, les réacs, typiquement Valeurs Actuelles, Causeurs, voilà, bon, ce genre de, ou des commentateurs, etc. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont peur hein, d'utiliser certains mots, puis aussi ils sont très influencés par hein, qui on sait. Et donc, par exemple, si on consomme que du Valeurs Actuelles, on aura du mal à comprendre ce qui se passe. Au plan racial, on aura du mal à comprendre. C'est évident, quoi. Pour ne citer que ça, hein, je veux dire, voilà. Voilà. Déjà, pas quelqu'un comme Renaud Camus, paradoxalement, est beaucoup plus proche de la réalité, par exemple. Quand il parle de grand remplacement, vous voyez, on est déjà plus sur le cœur du sujet. Voilà. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose sur ça, sur cette discussion qu'on a là ? Pas particulièrement. D'accord, très bien. Alors, bon courage à notre auditeur, qui ne désespère pas, c'est une passe difficile. Il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui traversent ce moment. C'est pas évident d'être entrepreneur en France en 2021 dans un système bolchevique comme celui-là, c'est très clair. Mais au bout de la nuit, il y a l'aurore. Faut pas le perdre de vue. Voilà. Alors, messieurs, quand même... Rubrique numéro 2, autisme radical. J'ai pas pu m'empêcher, hein. Je voulais vous faire partager un petit peu de lumière. J'espère que vous allez aimer. C'est pas très long. Je vous soumets pas ça pour qu'on en parle longuement, mais j'ai aimé l'histoire. Alors je me suis dit que là, il y avait quelque chose à faire. Alors c'est le Figaro. Ça remonte à un peu plus d'une semaine, mais je vous lis ça. Alors, un homme de 27 ans a été écroué pour meurtre et viol aggravé par l'orientation sexuelle de la victime, soupçonné d'avoir violé et égorgé chez lui un homme qui se travestissait, puis incendié son appartement, a annoncé vendredi 16 avril, donc je dis ça remonte un petit peu, hein. Mathieu Bourrette, procureur de la République de Reims, se Congolais, né en 1994, ayant le statut de réfugié, a été interpellé à Évry le 15 avril, a annoncé le procureur de la République lors d'une conférence de presse. Si son casier judiciaire est vierge, il avait déjà été mis en examen à Évry en 2019 pour une tentative d'homicide intervenue en 2017 sur une escort girl qui était un transsexuel, a indiqué le procureur, précisant qu'il avait été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette information judiciaire toujours en cours. On a affaire à quelqu'un qui en veut aux travestis et aux transsexuels, d'où la question de l'homosexualité latente de l'accusé qui se transforme en agressivité, a-t-il estimé. Le 7 avril, au soir, un homme de 50 ans, agent intérimaire célibataire, homosexuel se travestissant uniquement chez lui, avait été retrouvé mort dans son appartement de Reims, en partie incendié. Nu, il présentait 14 plaies au cou et au cervical. Des vêtements de femme découpés avaient également été découverts. L'accusé reconnaît l'intégralité des faits, a expliqué Mathieu Bourrette, précisant qu'il avait frappé la victime avec des ciseaux après l'avoir violée, puis mis le feu pour effacer les indices. Le procureur a indiqué retenir la qualification de meurtre aggravé en raison de l'orientation de l'identité sexuelle de la victime, dans la mesure où il est établi que les vêtements de femme qu'elle portait ont été en partie découpés, et que le mis en cause reconnaît avoir découpé les cheveux de la victime, ces deux éléments pouvant laisser penser qu'il cherchait à la masculiniser. L'homme est également mis en examen pour vol et escroquerie pour avoir utilisé la carte bancaire de la victime pour des livraisons de repas et la location d'une chambre. Il a expliqué être entré en contact avec le travesti dans le cadre d'une escroquerie au faux chèque dont il aurait été la victime et être entré chez lui pour récupérer la somme de 500 euros. Mais selon le procureur, aucune trace de chèque rejeté n'a été retrouvée. Alors messieurs, alors vous voyez, tout n'est pas lié à l'islam. Hein. Tout n'est pas forcément lié à l'islam. Comme la cathédrale de Nantes hein, qui avait été incendiée par un fameux musulman rwandais catholique. Qu'est-ce que... Un petit commentaire comme ça en passant. Serait-ce intersectionnalité de droite, là, avec des Congolais voulant recadrer, finalement, nos travelots. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, apparemment, le type est... Bon, il est pédé, hein, on est d'accord. Il s'est pas fait surprendre... Le nègre est pédé, on est d'accord. Il s'est pas fait surprendre par l'affaire, d'accord. Il était au courant avant de s'y rendre. Mais bon, pourquoi pas... Il y a des Français qui veulent se rencontrer en France. Ils sont en confinement, ils sont chiés, ils ont besoin d'affection. Faudrait organiser des rencontres entre des Camerounais, des PD, des Traves, des Salafistes, des Juifs aussi, pourquoi pas. Bah, mais dans un univers, vous savez, un univers un peu réduit, comme ça, vous savez, concentré dans un endroit. Puis après, on met des grilles autour, puis on voit ce qui se passe, on regarde. Ça, c'est un des projets qui m'intéresse pour la France. On fait rien, juste on regarde. Il est dit qu'il y a eu relation sexuelle avec le nègre et les travelots. Alors le nègre a reconnu avoir violé le travelot. Ah, par contre, on ne sait pas si c'est après l'avoir tué ou avant. Désolé, hein, j'en sais rien. Bah, il a peut-être essayé de s'intégrer à la France et puis il était quand même tiraillé par ses origines. Bah oui, il y a là une alchimie assez curieuse. Hein. Donc il a tondu sa victime au ciseau. Il a quand même pris la carte bancaire pour se commander un petit oui, bah, classique. Oh, hein, voilà, bon. Ça, c'est bonus. Ça. Peut-être un air coiffeur, je sais pas. Non, mais n'empêche qu'on en rigole, mais on a raison d'ailleurs d'en rire. Mais je veux dire, avec tous ces nègres, toutes ces applications de rencontres qui circulent, franchement, c'est de la folie furieuse, je veux dire. Parce que là, le travelot, là... Parce qu'en fait, il a monté un char, hein, c'est ce qui s'est expliqué. Il a dit, mais en fait... Ce qu'il nie, c'est le caractère intentionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Il nie le fait d'avoir monté un stratagème pour piéger le travelot. Et il dit, voilà, j'avais une embrouille avec ce mec pour une histoire de faux chèque. Il m'a roulé de 500 euros, etc. Quoi. Le procureur dit, on n'a pas d'éléments là-dessus, on ne peut pas corroborer cette affirmation, parce qu'il n'assumerait pas en fait son homosexualité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, le nègre ne reconnaît pas être homosexuel et aimer les travelots et ensuite vouloir les torturer. Bon, voilà, il dit simplement, ouais, je me suis retrouvé là à ce moment-là, j'ai fait ça, etc. Je reconnais, mais si j'étais dans l'appartement, c'était parce que voilà, je voulais récupérer du pognon. Or, visiblement, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a un autre précédent avec un autre travelot. Rencontré sur un site de cul, enfin, un site de cul, un site. De rencontre, quoi. Voilà, donc, mais je veux dire, des deux côtés, il y a un problème. C'est-à-dire que vous avez des travelots qui veulent se faire bourriquer par des nègres. Et le problème, c'est que vous avez affaire à l'Afrique. L'Afrique authentique. Et l'Afrique authentique, nécrophagie, torture, machette, tout ça est très... Voilà, et on s'en rend pas compte, mais avec des millions d'halogènes comme ça sur le territoire français, avec ce genre d'application, les mecs, là pour le coup, c'est des PD, donc... Ils se rencontrent, machin, tu viens chez moi, je te donne le code de l'intercode, machin, genre, ding, ding, ding, ding, boum, il rentre et tout, putain, là, tu lui sors un putain de couteau, il l'égorge et tout, tu vois, et au revoir, quoi. Enfin, les gens sont fous, quoi, Alors là, en l'occurrence, ils étaient cliniquement fous, puisque l'autre se déguisait en femme chez lui. Bon, il avait pas... Ça me rappelle le film avec la Spalès, là, vous vous rappelez de ce truc? Ça, c'est le pari, je crois. Ma femme s'appelle Maurice. Ouais, tu fumes encore, hein, salope! Ah oui, le pari aussi. Ouais. Pas bien. Mais ça existe, hein, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, des hommes qui se déguisent en femmes chez eux, exclusivement, quoi. C'est tout. Bon, Mais c'est pas d'aujourd'hui, ce genre de truc, hein, simplement. Mais ça se démocratise parce que maintenant, justement, à cause des applications, les mecs peuvent. Ils se mettent en photo, etc. Et ils invitent des mecs chez eux et tout. Voilà. Enfin, mais ça existe depuis la nuit des temps, ce genre de truc, hein, bien sûr. Mais maintenant, voilà. Alors, par contre, ce qui n'existait pas depuis la nuit des temps, c'est que un petit coup de téléphone et t'as un nègre qui arrive à la maison. Bah, c'est ça. C'est qu'en plus, il y a le choix, quoi. Voilà. Il est possible que le nègre ait contacté le travelo sur un site d'escorte, de rencontres, ouais. Tinder, je sais pas quoi. Ah oui, qu'il ait une mauvaise surprise, tu veux dire. Ouais, voilà, il arrive, il sonne à la porte de cette charmante femme, il se rend compte que la femme a une bite, et après, du coup, ça l'a énervé. Alors, oui. Mais enfin, là c'est redondant avec l'affaire, c'est la deuxième fois, ça me paraît un peu gros quand même. C'est peut-être une des conséquences du variant brésilien dont on parle au-dessus. Pas mal. Le variant brésilien, mieux compris. Ouais. Les travelots accostent facilement les mecs en faisant croire qu'ils sont des femmes, j'ai remarqué. Alors moi j'ai déjà envoyé une photo à des potes quand j'étais sur Tinder pour dire regardez les gars, j'ai entamé une conversation avec cette dame. Ah, quel vicelard, toi. Puis j'ai mis la suite de la conversation où en fait 2-3 mois après j'ai compris que j'avais pas affaire à une femme. Donc ça m'a fait rire sur le coup parce que je me suis fait piéger. Mais ouais, il y a des vicelards, attention. Mais attention, il faut porter un masque. Protégez-vous en haut comme en bas. Putain. Non mais bon. C'est quand même... Enfin, là, il y a des connexions surnaturelles qui ont lieu. Hein. Là, les terres nègres se manifestent, s'incarnent et opèrent. Hein. Donc, voilà, quoi. Puis les terres nègres pensent avec sa bite aussi. Hein. C'est quand même le point central. Ah ouais, c'est le point central, ouais. Complètement. Hein. Là, c'est le corps mystique. C'est ça. C'est non, mais hommes, femmes, animaux, ils s'en foutent. Hein. Le mec, il y va, hein. Dans un contexte d'ubérisation de n'importe quoi, on ubérise. Et puis, il peut te sortir un couteau. C'est la pochette surprise, quoi. Quelqu'un d'autre sur tout ça, sur cette... Bon, c'est une anecdote, hein, mais c'est quand même assez trash. Voilà. Donc, le paramètre islamique n'est pas tout le temps pertinent. Hein. Je tiens à le souligner, quand même. Voilà, il n'y a pas que l'islam qui pose problème, nous avons aussi un phénomène d'africanisation et aussi de LGBTisation. Et ça crée des frictions. Putain, ça rime. Alors, les petits gars, Ramadan 2021, c'est notre rubrique numéro 2. Alors, on est obligé d'en parler, ça faisait pas si longtemps, mais enfin bon. Voilà, disons que les musulmans ont tenu à faire parler d'eux, hein. Vous savez que c'est le mois du jeûne, hein, comme vous le savez. Alors, à Rambouillet, la spiritualité islamique s'est manifestée. Alors, un bref rappel des faits par Le Figaro. Ça se veut quand même assez exhaustif. Il est 14h20, vendredi 23 avril, quand Jamel Gorshen pénètre dans le sas du commissariat de Rambouillet, à une soixantaine de kilomètres du sud-ouest de Paris. Dans cette ville cossue des Yvelines, un nouvel attentat djihadiste mortel est alors sur le point d'être commis. 6 mois après l'égorgement du professeur Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine dans le Val-d'Oise. Le terroriste islamiste assène 2 coups de couteau à la gorge de Stéphanie M., une fonctionnaire administrative de police qui venait de changer son disque de stationnement. Avant de la frapper mortellement, le djihadiste aurait crié « Allahu Akbar ». La fonctionnaire décède sur place, malgré l'intervention des pompiers. De nationalité tunisienne, arrivée illégalement en France en 2009, mais régularisée en 2019, l'auteur des faits est abattu par un brigadier qui a tiré 2 fois, elle l'a touché 2 fois, selon une source policière. Jamel Gorchen est lui aussi décédé sur place. Dès vendredi dans l'après-midi, après une évaluation par la ASDAT sous direction antiterroriste, le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes. 3 personnes appartenant à l'entourage de l'assaillant, Jamel Gorchen, 36 ans, ont été placées en garde à vue vendredi soir, gardes à vue qui ont été prolongées. Selon des sources proches de l'enquête, une personne ayant accueilli l'assaillant à son arrivée en France en 2009 figure parmi les gardés à vue. Le domicile de cette personne située dans le Val-de-Marne a été perquisitionné dès vendredi en fin d'après-midi, tout comme le domicile du père à Rambouillet, où avait déménagé Jamel Gorchen, situé donc à Rambouillet. Samedi, en début d'après-midi, 1/4 personne a été placée en garde à vue et son domicile situé en Seine-Saint-Denis perquisitionné. Ce samedi, le chef de l'État, donc Emmanuel Macron, s'est rendu à Thoiry, dans les Yvelines toujours, dans la boulangerie de l'époux de Stéphanie M, pour apporter son soutien à sa famille, très bouleversée et très digne, je cite auparavant. Il s'était entretenu dans la matinée avec le commissaire divisionnaire de Rambouillet pour lui exprimer tout son soutien ainsi qu'aux collègues fonctionnaires de police. Dès vendredi, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin s'étaient rendus sur place. La République vient de perdre l'une de ses héroïnes du quotidien dans un geste, j'avais dit barrière, non, un geste barbare et d'une infinie lâcheté, a réagi le chef du gouvernement. Ce samedi, le Premier ministre a raccourci son déplacement prévu en Occitanie pour rentrer à Paris, faire un point dans l'après-midi avec les services et ministres concernés. Gérald Darmanin a demandé vendredi au préfet de renforcer la sécurité aux abords des commissariats et des brigades de gendarmerie. Donc maintenant, première mission des gendarmes et policiers, c'est de se protéger eux-mêmes. Âgée de 49 ans, Stéphanie M. était une agente administrative au secrétariat du commissariat de Rambouillet. Non armée, la policière grièvement blessée à la carotide n'a pas pu être ranimée par les pompiers arrivés sur place. Elle était mère de 2 enfants âgés de 13 et 18 ans. Jamel Gorchen est un ressortissant tunisien de 36 ans. Il est arrivé en France en 2009, en situation régulière, mais régularisé depuis, grâce à une autorisation exceptionnelle de séjour salarié en 2019, puis à une carte de séjour en décembre 2020, valable jusqu'en décembre 2021. Originaire de la région de Sousse, dans l'est de la Tunisie, il était inconnu des services de police et de renseignement. Chauffeur-livreur de profession, Gorchen vivait depuis quelques années dans une maison excentrée de Rambouillet. D'après un proche de sa famille en Tunisie interrogé par l'AFP, il habitait chez sa tante et avait au moins 2 frères, dont un jumeau. Une source policière a toutefois confié au Figaro que le trentenaire résidait chez son père. Alors je passe les détails, il y a toute une série de précisions. C'est cité par LCI. Le procureur antiterroriste Jean-François Ricard a donné de nouveaux éléments, donc là, ce dimanche, sur le profil et la radicalisation de Jamel Gorchen, le tueur du commissariat de Rambouillet. 5 personnes sont désormais en garde à vue. Alors, voici les dernières informations. Radicalisation peu contestable. Selon le procureur du parquet national antiterroriste, la radicalisation de l'auteur des faits paraît peu contestable. Toutefois, certains troubles de la personnalité ont aussi été observés chez l'agresseur, dont une potentielle dépression. Ah bah, il était déprimé. L'intéressé avait d'ailleurs sollicité une consultation psychiatrique, laquelle avait donné lieu à un nouveau rendez-vous. Alors, l'agresseur a été vu pour la première fois vendredi à 12h48, se dirigeant vers une salle de prière provisoire. Il est arrivé à pied à proximité du commissariat de police à 14h19. Muni d'un sac et de son téléphone portable, il a ensuite multiplié les allers-retours devant le bâtiment avant de passer à l'acte. Au moment de l'agression, il a couru vers la victime en criant « Allahu Akbar », lui assénant deux coups de couteau à l'abdomen, puis à la gorge. Selon le téléphone retrouvé sur les lieux du crime, l'agresseur a consulté des vidéos glorifiant le martyr et le djihad immédiatement avant son acte. Un Coran a également été retrouvé dans ses effets personnels. Alors je ne comprends pas, puisque c'est censé être un livre de paix, d'amour et de tolérance. L'assaillant était, comme pressenti, inconnu des services de renseignement. Son casier judiciaire ne fait état d'aucune condamnation. Ah, c'était un immigré intégré, en fait. Alors, messieurs, voilà, donc un passage en revue très détaillé de ce qui s'est produit. Je voudrais recueillir vos réactions suite à ce qui s'est passé, suite à cet attentat, quoi, terroriste. Ouais, bon, on va dire un de plus. Cette histoire, en fait, il y a déjà quelques jours, elle sera très vite oubliée, malheureusement. Bah, elle est oubliée. Hein. C'est, on est dimanche, elle est oubliée. Hein. Ah ouais, mais puis ça va recommencer, parce que qu'est-ce que vous voulez ? Imaginez ne serait-ce que, on va dire, 1% des bougnoules peuvent péter un plomb et puis avoir envie de buter des couffards comme ça du jour au lendemain. Imaginons ne serait-ce qu'1 % Ouais, mais le problème, c'est qu'il y en a plusieurs millions sur le sol français, donc faut pas s'attendre à ce que ça se passe bien. D'ailleurs, vous avez vu, hein, si vous connaissez des salafistes revendiqués, bah, vous savez que vous devez vous tenir éloigné de ces gens parce que c'est dangereux pour votre survie. Et si vous connaissez des bougnoules entre guillemets intégrés, ben en fait, ils peuvent aussi se transformer comme ça, apparemment, du jour au lendemain, en des tueurs en série notoires, quoi. Donc, dans tous les cas, oui, là, ça, pas ça, sûr ça, qu'en c'est... mettant plus de flics, ça va changer quand même grand chose. Hein. Ces ouais, gens, ouais. Ils font pas après-demain, je vais me pointer au Comico et puis je vais passer par l'entrée là et je vais buter des gens. Non, bah écoutez, le type, c'est un bougnoule en plus, hein, donc. Il lit son Coran de paix et puis après il y a eu une illumination, il se dit ah ouais tiens je vais buter un type. Hein. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans les précédents attentats. Hein. C'est pas quelqu'un qui les salafistes bougnoules que vous voyez là, qui pètent des plombs, c'est pas les types qui préparent leur truc à la Breivik. Hein. C'est le mec le matin il prend son café et l'après-midi il prend son couteau. Hein. Ouais non ouais ça c'est très juste. Là tu viens de pointer un truc très intéressant dans le profil du mec. Parce que on a les gens ont en tête le barbu, hein, le barbu, voilà. Et ce mec-là, alors lui justement, il était alors c'était un immigré clandestin, mais en plus de 10 ans de présence en France, rien sur le casier, enfin, vraiment, voilà, il y avait rien qui semblait, en tout cas hein, à ce stade, hein, je veux dire, voilà, il n'avait pas été remarqué dans la mouvance, etc. Donc comme tu le dis, le truc peut péter comme ça du jour au lendemain, un bougnoule peut exploser comme ça du jour au lendemain, ça c'est très intéressant. Il y a un autre truc, c'est à quel point c'est toujours la même histoire, et ça c'est le non-dit de l'affaire, moi je suis sidéré de voir ça, notamment dans la réaction de Macron, parce qu'il va voir... la famille, etc. Non, mais d'accord, mais je veux dire, là, pour le coup, il consacre la formule, comment dirais-je, inaugurer les chrysanthèmes. C'est ça que fait Macron, hein. Il inaugure les chrysanthèmes à ce stade. Hein. Donc le type, il est là, il va voir la famille, il se déplace et tout, très bien, mais on lui demande pas d'être dans la commisération. Or, le non-dit au niveau politique, c'est que c'est toujours les mêmes profils. C'est toujours les mêmes profils. C'est des types, là, dans le périmètre, là, dans le sud de la France, quand vous prenez l'attentat de Nice, là, le carton avec le bahut, là, qui a fait, hein, enfin, c'était le carnage sur la promenade des Anglais, c'était un immigré de fraîche date, je crois aussi d'origine tunisienne. Le carnage dans l'église, la même chose, le type venait d'arriver, je crois que c'était encore de Tunisie. Encore de Tunisie. La gare Saint-Charles, le carton. Alors, je ne sais pas si c'est la Tunisie, je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'était le cas, mais si ce n'est pas le cas, de toute façon, c'était d'Afrique du Nord. Les deux gamines qui ont été égorgées, c'est la même chose. Le type était sous le coup d'une expulsion. Donc, dans l'église, le type venait d'arriver sur le territoire français en situation irrégulière. Pour ce qui concerne l'attentat de Nice, la tuerie là, de masse, le type était en situation irrégulière. Et là, à Rambouillet, le Tunisien est un immigré clandestin qui est présent en France depuis... C'est tout le temps les mêmes profils, je veux dire. Ce sont des immigrés d'Afrique du Nord qui sont en situation irrégulière, sont des immigrés clandestins de plus ou moins récente date, d'accord, et très souvent qui sont même pas remarqués par les services de renseignement. D'accord, je leur jette pas la pierre aux services de renseignement, je veux dire, au bout d'un moment, si vous avez un tel volume que là vous avez une enfin ça devient impossible. C'est ça le non-dit politique, justement, que je voulais souligner. C'est qu'en fait, les politiciens ne veulent pas dire on a fait n'importe quoi au plan de l'immigration, on continue à faire Macron, cette espèce de crapule, a fait rentrer plus de 400 000 types en 2019 en France. 400 000 immigrés supplémentaires, 300 000 durant le Covid. Alors les Français étaient chez eux dans la terreur sanitaire, interdiction de sortir, ou alors il faut une autorisation pour aller acheter du pain, tu vois. Et pendant ce temps-là, tu as 300 000 métèques qui viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient et qu'on accueille généreusement avec l'aide de toutes les vieilles peaux ménopausées de l'éducation nationale en retraite avec leur association à la con. Voilà, c'est ce qui se passe en France, quoi. Et au bout d'un moment, face à cette attitude criminelle de la présidence de la République et du gouvernement et de leurs prédécesseurs, hein, parce qu'avant Macron, il y a eu Hollande, avant Hollande, il y a eu Sarkozy et Chirac. Hein, et pareil pour les différents chefs du gouvernement, là, Castex, et puis avant lui... le type transparent, là, soi-disant, c'est... soi-disant, il séduit les dames, je sais pas quoi. Bon, je n'arrive jamais à retenir son nom. Le Dalmatien, là, avec son... Darmanin ? Non, l'autre, là, le maire du Havre, là. Espèce de boule. Édouard Philippe ? Ouais, voilà, bon, voilà. Bon, ouais, il est tellement transparent, d'ailleurs, que je les confonds avec Castex, quoi. On se demande... Voilà, non, mais bon, voilà. Bon, c'est-à-dire, ces types-là, au bout d'un moment, n'ont plus rien à dire. Parce que s'ils devaient parler du fond du problème, c'est... Nous avons, enfin, on est envahi, c'est l'invasion totale, on ne sait même plus qui est sur le territoire, qui fait quoi, il n'y a plus de frontières, il y a des passeurs, il y a des filières, il y a des protecteurs, le système, on a des juges qui sont, qui collaborent à l'invasion, voilà, enfin, c'est, en fait, si on doit dire ce qui se passe vraiment, ça suppose de prendre des mesures, ça suppose d'arrêter des journalistes, ça suppose d'arrêter des juges, de purger l'appareil d'État, ça suppose d'arrêter des mecs comme Cédric Herrou, c'est ahurissant, mais un mec comme Cédric Herrou, mais qui n'est qu'un mec médiatique parmi toute une nébuleuse d'extrême gauche intéressée, parce qu'ils prennent du pognon en passage, hein, qui font passer des terroristes, parce que ces mecs font passer des terroristes, c'est ça. Là, je voyais encore là l'autre Rafio, l'océan Viking, ou je sais pas quoi, enfin toutes les SOS Méditerranée. Les mecs sont en train de te faire passer des putains de nègres et des putains de musulmans sur leur Rafio. Je veux dire, ce sont des passeurs de terroristes. Alors même si les mecs disent oui, mais ils sont pas tous, mais on s'en fout. Il y a un risque. C'est statistique, il y a un risque. Il devrait être derrière les barreaux, ces mecs. Cédric Herrou, il aurait dû prendre 20 ans incompressible s'il y avait encore un État dans ce pays. Non, il a reçu le prix de la LICRA. Le Conseil constitutionnel en a fait un saint en disant que c'est génial le fait qu'il aide à passer. C'est de la folie furieuse. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens? Ils veulent une guerre civile en France? Ils veulent une guerre raciale? Bah, visiblement, oui. C'est ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ne prennent aucune mesure d'élémentaire bon sens simplement pour commencer à contrôler ce qui se passe. Donc après, les mecs, évidemment, ah ouais, t'as un bougnoul, on sait pas ce qui lui passe par la tête, comme t'as très bien décrit Pierrot, voilà, le mec, tu sais pas quoi, il a vu une vidéo, machin, la centième, la millième, voilà, c'est celle-là qui le fait péter un câble et tout, machin, allez savoir. J'ai vu d'ailleurs, c'était répercuté par F de Souche, que le type était un abonné au CCIF, à Mediapart, il suivait Mélenchon sur les réseaux, etc. Bon, le mec allait choper ses informations à certains endroits aussi, d'accord. Donc les éternels pousses au crime, les mecs comme Apathy, ça m'a fait marrer d'ailleurs, cette espèce d'ordure d'Apathy, là. Il a une tête de con, lui, de toute façon. Ouais. Une tête de con et un teint olivâtre très, très, très suspect, entre nous, soit dit. Alors, ce mec-là... contrairement, excuse-moi de t'interrompre, contrairement à Paty tout court, il a toujours sa tête. Hein, parce que oui, il a toujours sa tête. Mais cette espèce d'ordure, qui vient d'ailleurs du socialisme, hein, militant, cette espèce de crapule, il disait, ouais, parce qu'il s'est fait alpaguer sur les réseaux sociaux, en disant, voilà, vous poussez au crime, etc. Comment osez-vous associer mon nom à ce genre de choses? Et le mec, quand il y avait eu un semblant d'attentat, je crois que c'était une mosquée à Bayonne par un octogénaire, je crois, bon. Pour une fois, il y avait un Gaulois qui s'était un peu énervé. Bon, évidemment, ici, on n'appelle pas la violence, mais bon, voilà, lui, il avait mis nommément en cause, je ne sais plus quelle figure, voilà. Renaud Camus, je crois. Ouais, Renaud Camus, Zemmour, enfin, allez savoir qui, enfin, tous les mecs qu'il avait dans le nez, quoi, et qui ne met pas les bougnoules, enfin, qui ne met pas suffisamment les bougnoules à son goût. Alors lui, il n'avait pas hésité, quoi, il avait dit, voilà, vous êtes les pères spirituels de ce genre de passage à l'acte. Puis quand lui, on lui a mis le nez dans la merde, il s'est mis à hurler comme un putois en disant mais pourquoi vous m'associez à ça. La même chose avec Bellatar qui dit quel rapport j'ai avec ça, etc. Bon bref, mais on a des gens qui arment ces mecs. Or ça c'est des agresseurs, c'est des envahisseurs, c'est des gens qui arrivent pour nous agresser, d'accord. Et les mecs qui sont criminalisés comme étant d'ultra-droite, c'est des gens qui sont en fait des autochtones, qui sont submergés, qui réagissent à une agression extérieure, de fait. Alors, je justifie pas d'actes violents, hein, mais il y a quand même un conquis et un conquérant. Faut pas essayer de créer une inégalité de traitement là où elle n'existe pas, quoi. Et voilà, alors, pour en revenir à l'attitude de Macron et de sa clique, comme de ses prédécesseurs et de ses successeurs, inévitable. Ces mecs-là n'osent pas dire ce qui se passe. Parce que s'ils disent « Ouais, en fait, les gars, on a fait venir des millions de bougnoules, et statistiquement, sur le volume, de temps en temps, il y en a un qui va vouloir égorger une mère de famille, un vieux, une gamine, parce que ça va venir, ça, un de ces quatre, il y a un de ces illuminés, là, il va, au nom d'Allah, il va aller dans une école maternelle, il va aller faire un carton, ça, c'est sûr, ça va arriver, ça. » Au nom du Ramadan aussi là, hein, parce que les gens comprennent pas ça, mais on est censé fêter le Ramadan. Marine Le Pen a scandaleusement souhaité un bon Ramadan musulman quand même. Marine Le Pen souhaite une bonne fête aux envahisseurs. Alors elle ouais, mais c'est de la politique. Non, une fois qu'elle sera au pouvoir, elle souhaitera aussi le bon Ramadan. On en est où, quoi, tu vois, c'est voilà, de recul en recul, de concession en concession, de normalisation de la normale en normalisation de la normale, bah on finit dans cette situation où où le crime devient la règle. Voilà. Voilà. Comme personne ne dit qu'on se fait envahir, qu'il faut tous les foutre dehors. Au plan politique, je dis. Voilà. Voilà, donc c'est ça qui m'exaspère, quoi. Donc, alors bon, je vais quand même faire le lien, je vais quand même rappeler ça, quand même. Bon, je le fais à chaque Ramadan, je le fais, mais j'ai pas de raison de me priver. Alors, pourquoi ils égorgent spécialement le mois du Ramadan? Ils égorgent aussi en dehors du mois du Ramadan. Mais pourquoi spécialement lors du mois du Ramadan? Parce qu'ils gagnent des points. C'est une religion à points, l'islam. D'accord? Donc, quand vous mourrez pour Allah durant le mois du Ramadan, vous gagnez des points pour accéder au paradis. Et si vous mourrez un vendredi saint, entre guillemets, jour de prière, vous gagnez encore plus de points. C'est pas par hasard si le Tunisien en question est passé à l'acte un vendredi jour de prière. Sachez-le, c'est dans leur religion. Vendredi, j'ai plus de points. Et le quatrième vendredi de prière du mois du Ramadan, vous gagnez un maximum de points si vous mourrez en égorgeant des koufars. Donc sachez-le, ça c'est consubstantiel à cette religion-là, c'est ce système-là qui prévaut dans cette religion. Voilà. Donc c'est pas un hasard non plus. Donc quand je vois Marine Le Pen souhaiter un joyeux Ramadan, c'est comme, elle dit aux moutons, vous allez vous éclater durant cette fête. Ouais. Et toi tu regardes ça, dis ouais effectivement. Ouais. Voilà. Non, on souhaite pas un joyeux Ramadan à l'envahisseur. Il est hors de question de souhaiter un joyeux Ramadan à l'envahisseur. Et ça, et je dois le souligner, je vous donne la parole, c'est sur l'influence de cet abruti consubstantiel qu'est Louis Alliot. Qui est d'origine séfarade et qui est nostalgique de son Algérie natale, qui veut impérativement réorganiser l'Algérie en France avec ses bons bougnoules. Il peut pas s'empêcher d'en coller partout. Moi, je sature ça, du RN méridional avec ses séfarades nostalgiques de l'Algérie française. Ben, j'en peux plus. Les Robert Ménard et là, j'en peux plus. Ils sont nostalgiques de l'Algérie française, et ben qu'ils aillent vivre en Algérie. Voilà. Mais qu'ils arrêtent de prendre le micro pour nous dire il y a des bons bougnoules. J'en ai rien à foutre de savoir qu'il y a des bons bougnoules. Je m'en fous. D'accord. Alors, excuse-moi, Donald, mais actuellement, ils vivent en Algérie, en fait. C'est ça le truc. Ah, ben, c'est pas faux, oui, je te l'accorde, oui, effectivement. C'est vrai. Mais c'est ça, hein. Robert Ménard est né en Algérie. Et il veut reconstituer l'Algérie française en France. Voilà. Voilà, c'est ça qu'ils veulent, ces mecs-là. Mais moi, je suis désolé, mais c'est pas mon projet, quoi, tu vois. Et Louis Alliot, c'est ça, lui, il disait ouais, le truc, machin, les harkis, mais on s'en branle, c'était il y a 60 ans. Et on sait comment ça s'est terminé en plus, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils essayent de faire, je veux dire. Donc, et c'est ces gens-là qui ont l'ascendant sur Marine Le Pen, hein. Bon, alors voilà. Donc, c'est la recette pour la catastrophe. C'est la recette pour la catastrophe. Ça m'énerve, moi, j'en ai assez, parce que c'est toujours la même histoire, quoi. Tu parles de la religion à point qu'est l'islam. Est-ce que ça rapporte plus de points si on attaque un fonctionnaire de police ou de l'armée ou autre, puisqu'il y a eu l'histoire aussi d'Arnaud Beltrame, hein, qui avait été assassiné, qui avait été considéré comme une prise de choix. Je ne sais plus, il devait être officier ou sous-officier de gendarmerie. Hein. Il avait été égorgé. Non, il était lieutenant-colonel. Mais enfin, Beltram a fait une connerie, il faut le dire franchement. Une connerie. Au plan militaire, c'est stupide ce qu'il a fait. Oui, c'est juste. Et puis aussi, tu parlais des dirigeants, de leur aspect criminel, tout simplement. Bah, je suis d'accord. Et puis, il y a comble du cynisme. Par exemple, quand il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, donc Macron a fait tout un discours pour dire « la peur va changer de camp ». C'est-à-dire que les terroristes, maintenant, attention. Quoi. Pendant ce temps-là, il y a tous les médias qui nous bombardent depuis 15 mois avec Covid-19, vous allez tous mourir, réanimation, ceci, cela. Et on dit non, non, non. Là, il y a bien une catégorie qui va avoir peur. Attention, la peur va changer de camp. Puis, bon, on voit ce qui se passe. Quoi. C'est-à-dire que le gars est arrivé en 2009, c'était sous Sarkozy, donc sous la droite dure. Hein. La droite dure, après François Hollande. Bon, certains cons vont dire ah oui, mais Macron, il est jeune, il n'était pas au pouvoir, c'était pas de sa faute, mais il travaille avec qui? Qui c'est qui a été le chercher? C'est Attali. Attali, il est dans les trucs depuis 40-50 ans. Il sait très bien ce qui se passe en France. C'est ce qu'il a voulu, exactement ce qui se passe. Donc, que Macron ne soit pas informé ou que non, c'est faux. Ces gens sont, ils mentent comme ils respirent d'abord, et oui, ils agissent contre notre peuple sur tous les plans, sanitaire, je ne vais pas y revenir, mais également enfin, sur le plan démographique et tout ce que ça implique sur les meurtres qui ont lieu, etc. Mais je te rejoins totalement. Oui, non, mais je ne vais pas non plus accabler, enfin, exclusivement Macron, en disant que Macron, c'est... Parce que ça, on a tendance... Enfin, les Français ont tendance à se focaliser sur le président en fonction à chaque fois, quoi. Il y a une personnalisation excessive des questions politiques. Bon, c'est un peu la règle du jeu, mais du coup, on oublie complètement Hollande, hein, qui a sévi quand même pendant 5 ans en France, 5 très longues années, avec Manuel Valls, hein. Tu vois, c'est des mecs, tu vois, tu regardes Manuel Valls aujourd'hui, tu vois, il dit je reviens d'Espagne. Ah bon, tu vois, le mec, il était parti en courant. Il revient, tu vois, il a toutes les solutions. Il sait comment faire, il faut être. Voilà, l'islamisme, le truc, la laïcité, le machin. Il a que des solutions, tu vois. Et tu dis, putain, c'est dommage qu'on n'ait pas eu un mec comme ça, ministre de l'Intérieur, puis ensuite Premier ministre, par exemple. Ça aurait pu changer la donne, quoi, tu vois. Mais les types, ils osent tout, quoi. Ils osent absolument tout. Tout parti confondu, Parti Socialiste, Les Républicains, ex-UMP, la clique à Macron qui a recyclé en fait les deux. Voilà, je veux dire, au bout d'un moment. Mais moi, j'en peux plus de ces conneries. Hein. Je n'en peux plus, quoi. Je n'en peux plus. Voilà. Parce que ça sera toujours la même chose. Voilà, et ça va être qui va se faire encore égorger? Je vous dis, c'est à point. Donc, c'est vendredi prochain, c'est le dernier vendredi. Dans la tête des bougnoules, c'est pas tout à fait clair, hein. Comme le disait Pierrot, voilà, le mec il se lève le matin, il a la forme, il va au boulot, tu vois, à midi là, tu vois, quelqu'un l'a regardé de travers, c'est bon, à 14h, le mec il a décidé d'égorger des chrétiens dans une église, tu sais pas. Bon, et les pouvoirs publics n'ont jamais de réponse, sauf oui, le truc convenu, alors il y a un truc qui me révolte aussi, j'ai entendu cette espèce de grand con de Castex là. Il a l'air con, lui. Il a l'air con. Oh, les autres ont l'air d'être des pourris, d'accord. Bon, ça, c'est encore une chose. Mais on peut être intelligent en étant un pourri, vous voyez. Mais Castex, lui, il a l'air sincèrement con, quoi. Je crois que c'est pour ça que Macron l'a mis là, d'ailleurs. Pour pas qu'il lui fasse de l'ombre. Il dit, c'est la République qui est visée. C'est pas la République. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils visent des Français, ils visent la France. Ils en ont rien à foutre de la République, ces mecs. Non, mais c'est ça qui est sidérant. Mais c'est ahurissant, je veux dire. C'est-à-dire que de l'extérieur, 1,5 milliard de musulmans, s'ils veulent cibler la France en tant que nation d'infidèles, ben, ils ciblent la France. Ils ciblent pas la République. Mais moi, je n'en peux plus de tous ces connards de politiciens de cette République de merde. Je n'en peux plus. Ces mecs, tu vois, quand t'as un attentat terroriste, en fait, ils privatisent l'attentat. C'est-à-dire qu'en fait, ils te disent pas c'est la France qui visait, parce qu'auquel cas, s'ils disent c'est la France qui visait, c'est tous les Français qui sont visés. Non, eux disent c'est la République. Et par là même, ils pensent à eux, aux institutions, aux mecs qui sont en fonction, etc. Donc ils disent, ah, ils nous visent, nous. Il y a une petite musique de caste qui émane de ce genre de déclaration, quand ils disent la République, parce que quand ils parlent de la République, ils ne parlent pas du peuple, hein, ils parlent bien de ceux qui contrôlent l'appareil. Hein, et ils disent, ah, ils nous visent, nous. Non, c'est pas vous qui êtes visé, c'est le petit peuple. Hein, l'autre, il n'a pas essayé de faire son coup à l'Elysée, il n'a pas essayé de faire son coup à Matignon. Il a fait son coup dans un petit comico à Rambouillet, il a égorgé une mère de famille de 50 ans. Quoi. Voilà, donc non, c'est pas la République. Demander à un bougnoule de définir la République. Ah, mais voilà. Mais un Français, il ne sait pas ce que c'est. Ça ne sert même pas. Ouais, non, mais bon, non, mais j'ai pas cherché. Ah, tiens, je vais m'en prendre au serment du jeu de paume, à Mirabeau. Non, mais de quoi vous leur parlez? Ils comprennent pas. Ça leur passe au-dessus de la tête. Et puis en plus, ils visent les guerres. Ils visent les guerres, voilà, c'est ça qui. Et souvent, ils leur demandent, donc ils visent les blancs d'ailleurs, et ils leur demandent avant, toi, parce qu'en fait, même les bougnoules sont confus. Ils voient des Français, ils se disent, attends, lui, de quelle race il est, je sais pas trop. On va poser la question. Est-ce que t'es capable de me réciter la Shahada? Alors, oui, non, ça dépend, hein, fais gaffe, parce qu'il y a un coup de couteau qui va partir. Bah du coup, en mode survie, quand même, apprenez quand même la Shahada au cas où. Hein. Je veux dire, si jamais vous vous retrouvez coincé avec un bougnoule avec un couteau, je vais dire, non, mais je sais pas, ça peut sauver une vie. Hein. L'air de rien, en situation d'urgence, ça peut sauver une vie. Hein. On arrive dans un environnement complètement nouveau, il faut développer des tactiques de survie aussi complètement nouvelles. Laissez-vous pousser la barbe. Hein. Non, mais c'est pas forcément d'ailleurs le seul truc, mais bon. Non, mais voilà y a, là, déjà là, j'étais énervé contre Castex parce que lui, enfin bon. Mais il a une tête de con. Lui. Alors en plus. Alors. Au naturel. Mais alors, avec le masque, qu'est-ce que c'est que ce truc? T'es même pas sûr que c'est vraiment lui, tu vois. C'est aberrant, quoi. C'est aberrant. On est arrivé à un degré de dystopie. Ah, on est passé de Saint-Louis, Napoléon à Castex. Il y a un truc qui... Un processus qui s'est mal fait, là. Bon, il y avait Hollande avant, hein, je veux dire, j'insiste là-dessus, on a quand même eu François Hollande, voilà. Chirac aussi, il était quand même un peu glandu, hein, je veux dire. Il était quand même un peu glandu. Chirac. Oui, il y en a eu des beaux, hein, Michel Rocard aussi, tout ça. Mais enfin, bon, disons que quelle est la cause de mort principale, ou qu'est-ce qui va devenir la cause de mort principale? On se demande, parce que depuis 15 mois, on a dit que c'est le Covid-19, mais en fait, les gens de moins de 60 ans qui n'étaient pas malades d'autre chose, normalement, même des gens de moins de 70 ans, très peu, sont morts. Même, ça a été reconnu dans le journal de Pujadas, notamment. Alors, je sais pas, il y a peut-être d'autres choses qui vont faire du mal à notre santé, peut-être aussi le vaccin, peut-être aussi les agissements de ce genre d'hurluberlu comme Jamel Gorshen. En tout cas, la vaccination ne sauve pas des couteaux de la paix, hein, visiblement. Hein. Ils vont trafiquer les stats, ils vont dire, putain, c'est bizarre, le Covid-19, il tue plus le vendredi. Ça doit être à cause de ces cons de jeunes qui sortent le vendredi. Ça doit être la raison. Bon, les jeunes, ouais. Peut-être le variant indien qui touche vers le Pakistan, là où c'est musulman, c'est peut-être à cause de ça. Ça continue à chier au Pakistan, hein. Ça continue à chier très sérieusement, hein. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, on en avait parlé un peu, il y avait des troubles. Hein, Bah, c'est quand même une puissance nucléaire. Hein, donc c'est quand même on en avait parlé avec Vincent Renoir, hein, on avait discuté de la laïcité, etc. Mais on en est quand même en raison de l'immigration de masse et de l'islamisation de la France, que ça nous plaise ou pas, la France est tirée par les cheveux vers le monde musulman. Et maintenant, ce qui se passe dans la banlieue parisienne, dans une classe, avec un prof de gauche et une élève, on ne va pas revenir sur l'histoire, peut avoir des répercussions gravissimes dans un pays comme le Pakistan, qui se retrouve, si vous voulez, à 8000 km de là, ou 7000 km de là, qui a l'arme nucléaire, vous voyez, les ultra-radicaux qui contestent un gouvernement qui est déjà un gouvernement islamique, je veux dire. On nage plein délire, hein, je veux dire. Et ça, c'est les politiciens français qui l'ont créé, cette situation, ces 50 dernières années. C'est eux qui ont créé ça, toute pièce. C'était pas du tout inscrit que la France devait terminer totalement bougnoulisée. D'accord ? Il n'y avait rien qui laissait présupposer que ça devait se terminer comme ça, se terminer entre guillemets, quoi. Je veux dire, c'est une décision qui a été prise par tous les gouvernements français successifs. Ils sont là tous en train de dire « j'ai la solution à tel problème », mais... On s'en fout de savoir si vous avez des solutions. Vous êtes à l'origine du problème. C'est ça le truc. Hein. Ces gens-là ont créé, à partir de rien, un conflit. Alors, il n'est pas encore armé et ouvert, mais un conflit larvé, avec 1,5 milliard de personnes, quand même, excusez-moi du peu, alors de personnes ou de créatures, c'est selon, et qui est un conflit qui a vocation à s'éterniser s'il n'y a pas de mesures drastiques qui sont prises. Parce que là, je veux dire, j'étudiais les guerres de religion en France. Ça se passait donc au XVIe siècle. La phase critique Le basculement a eu lieu quand le nombre de protestants a atteint 10% dans la population. Il y a eu un phénomène de conversion massive. Et quand on a atteint 10%, tout a éclaté dans un pays comme la France à l'époque. Aujourd'hui, on est à 15% de musulmans. Il y en a 10 millions. Alors, plus ou moins pratiquants, etc. Voilà, il y a toutes les nuances, hein. Mais il y en a 15 millions, il y en a 10 millions, ils sont 15%, on tend à 20%, etc. Attention, ça devient problématique. Et ce n'est pas tous les étrangers, ce n'est pas tous les halogènes. Les musulmans ne représentent pas tous les halogènes. Nous avons en plus des gens comme du Rwanda, du Congo, dont on a parlé un petit peu avant, etc. Mais qui, avec un effet d'entraînement. Voilà. C'était pas écrit, c'était pas inéluctable, inévitable. C'est les politiciens français qui sont responsables de ça. Et le patronat français aussi. Et bien sûr la gauche. Alors, moi je dis qu'il y a un droit d'inventaire à faire. Et pas juste verbal, hein. Moi je suis pour un Nuremberg civilisationnel, hein, entre guillemets. Hein. Un Nuremberg et demi. Hein. Moi je suis pour arrêter les responsables de ce désastre. Hein. Ces gens-là doivent rendre des comptes, hein. Ceux d'aujourd'hui et ceux d'il y a 10 ans, ceux d'il y a 20 ans, ceux d'il y a 30 ans. C'est pas juste. Il faudra faire ce travail-là. Hein. On ne peut pas juste dire ah oui, on s'est planté. C'est très grave ce qui se passe. Et en plus, on n'en est qu'au début des réjouissances. Alors, je voulais vous citer un truc, et je vous invite à commenter. C'est la réaction de la France insoumise et des communistes aussi. Notamment, là, ils se sont passé le mot, hein, donc il y a eu une coordination, c'est tout à fait évident, pour qualifier l'attentat. Alors, voici ce qu'a déclaré Jean-Luc Mélenchon le 23 avril. Révoltant meurtre à Rambouillet. Condoléances à la famille et aux proches de la victime, devoir de sang-froid, exigence de justice. Déclaration de Manon Aubry, une créature très louche qui est eurodéputée, toujours pour la France insoumise. Terrible assassinat d'une fonctionnaire de police aujourd'hui à Rambouillet. Pensée émue pour sa famille et ses proches face à ce crime abject. Clémentine Autain pour le Parti communiste. Profonde émotion après l'assassinat abominable d'une policière à Rambouillet cet après-midi. J'adresse toutes mes pensées affligées, ma solidarité à ses proches, sa famille, ses collègues. Alexis Corbière, toujours, hein, ce truc. Alors lui, là, il a forte émotion après l'ignoble et lâche assassinat d'une fonctionnaire de police à Rambouillet. Mes condoléances les plus sincères à sa famille, ses proches, ainsi qu'à ses collègues. Bon, alors, à la France insoumise, qui devrait s'appeler d'ailleurs la France soumise, hein, franchement, à ce stade, il n'arrive pas à prononcer le mot attentat. Ni le mot musulman, ni le mot islamiste, on ne sait pas. C'est-à-dire que tu as lu ça, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu dis, il y a eu un meurtre, il s'est passé, tu vois, il y a quoi, le mec, c'était un ex, la gonzesse, il était énervé, qu'est-ce qu'il... Vous voyez et vous avez vu, c'est pas un, hein, c'est tous. Hein. Donc tous utilisent cette phraséologie-là. Hein, ils sucrent l'information qui compte. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus, sur l'attitude de cette gauche radicale-là, face à ça? C'est pas surprenant, mais je veux dire, le terme assassinat, meurtre, est-ce que ça vous inspire quelque chose? En fait, on se demande si c'est une histoire de pilule bleue. En l'occurrence, les gens qui ne veulent pas voir la réalité et du coup, ils ont du mal à nommer les choses, ou si c'est plutôt un calcul électoral, parce que bien sûr, toute cette clique politique-là drague à mort les bougnoules, donc ils veulent éviter de les froisser. J'imagine que c'est un peu des deux, voilà. Oui, non, mais bien sûr, hein, c'est électoraliste, bien évidemment. Mais on est à un moment, je veux dire, c'est marrant parce qu'on entend toujours cette gauche radicale. Enfin, Mélenchon a clarifié son jeu hein, récemment quand même, hein, sur l'UNEF, quand il avait participé aussi à la manifestation contre l'islamophobie, entre guillemets, organisée par le CCIF et tous les islamistes. Je veux dire, il assume de plus en plus son virage, pas pro-musulman, mais carrément pro-islamiste. Quoi. Enfin, je veux dire, Mélenchon, aujourd'hui, c'est clair, c'est un facilitateur. Qui est allié aux islamistes. Et il le sait, il ne peut pas ne pas le savoir. D'accord ? Il n'a pas le choix, en fait. Hein. Il est obligé de se mettre dans cette famille politique-là. C'est la suite logique de ses idées de merde. Normalement, c'est censé être un laïcard de chez laïcard. Voilà. Oui, lui, il vient du Grand Orient. Il fait une syncope ouais. Dès qu'il voit une église. Quoi. Ouais. Par contre, dès qu'il voit une mosquée, là, il rampe. Hein. Enfin, c'est les beurettes qui le font ramper, hein, surtout, Mélenchon. Hein. Et récemment, à l'Assemblée, il s'est décrit, à l'Assemblée, lorsqu'il a pris la parole, il s'est décrit comme un, un maghrébin d'origine européenne, parce qu'il est né au Maroc, cette espèce de gros enculé là. Donc voilà, moi j'ai toujours dit que lui, ce mec là, quand il arrêtera de faire de la politique, il ira à Marrakech avec ses beurrettes, et voilà, ce mec là n'aurait jamais dû quitter le Maroc. Malheureusement, il est passé par la Normandie, où il a beaucoup souffert parce qu'il y avait des gens qui étaient blonds aux yeux bleus. Et ça l'a beaucoup marqué. Et voilà. Et donc, il a passé 30 ou 40 ans de sa vie à nous ruiner la vie. Et quand il aura terminé, après avoir bien piqué dans les caisses en tant que sénateur socialiste, député gauchiste, islamo-gauchiste, machin, après avoir bien piqué, il va retourner là-bas, se dorer la graisse au soleil tout en nous dégueulant dessus, etc. Mais voilà. La République française, quoi. Je te redonne la parole, mais bon. Non, mais il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je veux dire, Mélenchon, effectivement, plusieurs décennies de sénateurs socialistes, Le Pen père disait que pendant 40 ans, on n'avait jamais entendu parler de lui, de toute sa carrière politique. C'est vrai, complètement transparent. Partage des richesses, mais pour les autres. Hein. Lui, il accumule un patrimoine, hein, je n'ai plus les détails, mais ne vous inquiétez pas pour lui. Hein. Quand il sera installé à Marrakech, il n'aura pas un studio, hein, il sera bien. Ouais. Bon, et puis avec lui, il y a Clémentine Autain, bon, pareil, Corbière, trotskiste, hein, lambertiste, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc trotskiste qui était formé par le juif Poussel Greenberg. Voilà, bon, c'est toujours la même famille. Bon, on voit la marque, hein, je veux dire. Mais là, Corbière, j'ai toujours trouvé très brun. Moi. Il est brun, hein, Corbière, quand même. Garrido, elle a une tête de Toltec. Elle a une tête de Toltec, celle-là. Elle a la gueule d'une statue là sur l'île de Pâques, si vous faites attention. Voilà. C'est vrai, hein. C'est vrai, je déconne pas. Hein. Des métèques comme ça qui viennent du Chili, c'est pas trop vieux. Il y a des gens racialement parlant, c'est même pas pour faire du troll par rapport à l'émission, je saurais pas les définir. Ah ouais, Garrido, c'est compliqué. Hein. Franchement, je sais pas. Ouais, non, mais je te dis ça, un peu de sang nègre, un peu de sang indien, ça vient des Andes, un truc louche, tu vois, comme ça, voilà. De toute façon, elle a du sang de négresse, celle-là. Faut pas me la faire, hein. Elle a du sang de nègre, hein. C'est évident. Et Corbière, il a une gueule de maghrébin. Alors, tout ce qui reste, c'est le petit rouquin, là. Ouais, lui, il est blanc, mais c'est une tête à claque, lui, par contre. Mais il fera pas long feu parce que lui, comment dirais-je, les Noirs vont vouloir lui casser la tête pour trouver de l'or dedans. C'est... Oui, c'est ça. Adrien Quatre-Cents. Ouais, quoi Castex. Castex a la gueule de Dupontel, hein, quand même. Ouais. Encore Dupontel a plus de classe quand même que Castex. Mais ouais, il y a un herbe. Avec les culs de boc là, à la place des lunettes. Ouais, ça fait. Il y a de ce côté-là, ouais. Il y a l'autre aussi qui joue un drôle de jeu, c'est Ruffin. Puis tu sais, il est un peu con quand il parle. Il parle un peu comme un mec qui est un peu attardé mentalement. Il est là. Tu vois, et puis il parle dans sa cuisine. Enfin, je sais pas si vous suivez, mais. Mais lui, il est plus malin, il est plus prudent. Il est plus prudent, lui. Il fait un peu plus attention à ce qu'il. Mais les autres, c'est des enragés. Hein. Mais bon, ils sont alliés aux islamistes et c'est les porteurs de valises de notre époque, quoi. C'est vraiment les porteurs de valises de notre époque. Ils vont suivre la même trajectoire. Eux, ces mecs-là, ils fileront les opinels pour égorger vos gosses au bougnoul. Ils leur fileront les opinels, je vous assure. Je vous le garantis. Les opinels, c'est français. Hein. Ben voilà, ils diront ouais, mais nous, les patriotes, c'est produit en France par des ouvriers français. Tu vois, ils diront ça comme ça, tu vois. Non, mais vraiment, hein, c'est de ce niveau-là avec ces gens-là. Hein. Je veux dire, c'est plus faisant des yapas. Hein. Faisant ou pratiquement pas. Ouais, il y a Benoît Hamon aussi. Benoît Hamon, ouais, dans le même genre aussi. Ouais. Bilal. Ok, à une certaine époque, on avait une gauche qui parlait un peu des travailleurs, des ouvriers, de ce qui se passait dans les usines. Bon, pas forcément de façon pertinente, hein, mais il pouvait y avoir des gens aussi qui avaient connu le travail. Bon, Marshall avait connu un petit peu quand même au début de sa carrière. En Allemagne, oui. Oh, Messerschmitt en Allemagne, n'est-ce pas? Oui, il y avait aussi, c'est assez peu connu, mais Bérégovoy, là, parce qu'on en arrive au 1er mai, donc il a été soi-disant, il s'est suicidé, en réalité, il a été tué, hein, probablement, puisqu'il était Premier ministre à l'époque, quand même. Il avait commencé sa carrière, il avait un CAP d'ajusteur, parce que et il avait quand même connu les usines. Alors, il a certainement fait des conneries dans sa vie, mais c'était un des rares responsables de gauche qui avait quand même une certaine expérience. Et juste avant sa mort, il avait à l'Assemblée nationale agité une feuille avec des responsables, de gens qui étaient mouillés dans des histoires pas possibles. Et très peu de temps après, comme par hasard, il s'est suicidé avec officiellement l'arme de service de son garde du corps. Quand même très curieux, mais bon. Oui, ce sont des accidents. Surtout quand on était dans l'entourage de Mitterrand, c'est des accidents qui pouvaient arriver, effectivement. Mais faut pas oublier Robert Boulin. Hein, Coluche négociait mal les virages aussi. Ouais, bah il a été assassiné, Coluche. Il a été tué. Hein. Ils auraient voulu assassiner Dieudonné aussi. Ils l'ont pas fait parce que c'est trop médiatique, mais ça aurait été une autre époque. C'est pas nécessairement que je soutiens la ligne. Enfin, je sais pas s'il a une ligne politique, Dieudonné. Je veux dire, c'est surtout un humoriste, mais. Je veux dire, il a quand même bien fait chier le pouvoir établi juif. Hein, et c'est clair que 40 ans en arrière, Dieudonné, il aurait eu un accident de la route. Quoi. Ça, c'est évident. C'est clair. Ouais, puisqu'on parle des gens persécutés, si tu me permets une petite chose, c'est de rappeler que le professeur Fortillan, dont on avait déjà parlé, était de nouveau incarcéré. Enfin, dans un premier temps, il avait été mis en hôpital psychiatrique au mois de décembre, et puis ensuite, il avait été libéré. Et là, donc, il a été de nouveau arrêté. Les informations, il y en a assez peu. Les informations sont assez peu claires, mais il semblerait que donc il a été emprisonné à la prison de la santé, qu'on ait son numéro d'écrou. Vous pouvez vous référer au site www.veritecovid19.fr pour avoir davantage d'informations. D'accord, ok. Ouais, bah oui. Je suis ça. J'ai pas plus d'informations. J'ai pas de. C'est un peu le flou encore là. C'est pas trop le détail quoi de ce qui se passe. Oui, on sait pas si... parce que j'ai pas réussi à savoir exactement. Certains ont dit qu'il était déjà passé en comparution immédiate parce qu'il y avait eu l'histoire des effets essais sauvages là qu'il avait entre guillemets qu'il avait mené avec. C'est Agnès Buzyn qui avait dit ça. Mais avec donc de professeur Joyeux, des choses qu'il avait fait. Donc des méthodes de guérison de malades d'Alzheimer et de Parkinson. Donc les gens sur la base du volontariat pouvaient, s'ils étaient malades de ces maladies-là, suivre cet essai qui globalement, semble-t-il, sur le plan thérapeutique était intéressant, mais ça gêne les autorités qui cherchent à nuire à Fortillan, qui aurait certainement dû quitter la France. Hein. C'est une imprudence qu'il a commise. Hein. Il fait certainement des erreurs, Fortillan, comme tout le monde. Il a 77 ans, je crois. 78, 77. Il a 77 ans. C'était un professeur, un savant, quelqu'un qui, comme tout le monde, doit faire des erreurs. Mais je veux dire, incarcérer des gens comme ça, les mettre en hôpital psychiatrique, tout simplement parce qu'ils sont gênants pour le système, je trouve ça quand même dégueulasse. Quoi. Alors, rubrique numéro 3, guerre raciale. Un texte polémique, une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron, à ses ministres ainsi qu'aux parlementaires français, signée par 20 généraux et d'autres officiers supérieurs et au total un millier de militaires, paru dans Valeurs Actuelles. Hein. Voici ce que nous dit le journal Le Figaro à propos de cette lettre ouverte qui a fait parler. Hein. Alors, une partie de la gauche a fustigé ce samedi la publication dans Valeurs Actuelles d'une tribune de plusieurs militaires, dont 20 généraux, évoquant le délitement de la France, suivi d'une lettre de Marine Le Pen, les invitant à la rejoindre pour la présidentielle. Alors Marine Le Pen a réagi 2 jours après. Hein. Le journal a publié mercredi une tribune lancée par Jean-Pierre Fabre Bernadac, officier de carrière et responsable du site Place Armes, c'est un gendarme hein, de formation, appelant Macron à défendre le patriotisme, signé par une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés et plus d'un millier d'autres militaires, selon l'hebdomadaire. Ces militaires dénoncent le délitement qui frappe la patrie et qui, à travers un certain antiracisme, je cite, hein, s'affiche un seul but, créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communautés. Délitement qui, avec l'islamisme et les hordes de banlieue, entraîne le détachement de multiples parcelles de la nation pour les transformer en territoires soumis à des dogmes contraires à notre constitution. Délitement car le pouvoir utilise les forces de l'ordre comme agents supplétifs et boucs émissaires face à des Français en gilets jaunes exprimant leur désespoir, selon ce texte. Nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation, ajoute-t-il. 2 jours plus tard, Valeurs Actuelles publie une réponse de Marine Le Pen. Je vous invite à vous joindre à notre action pour prendre part à la bataille qui s'ouvre, qui est avant tout la bataille de la France. Comme citoyenne et comme femme politique, je souscris à vos analyses et partage votre affliction, a-t-elle écrit. De quoi provoquer l'ire de plusieurs figures de la gauche qui ont dénoncé le manque de réaction du gouvernement. Jean-Luc Mélenchon a fustigé la stupéfiante déclaration de militaires s'arrogeant le droit d'appeler leurs collègues d'active à une intervention contre les, je cite, islamo-gauchistes. 60 ans, alors ça c'est Benoît Hamon ça. 60 ans après le début du putsch d'Alger, 20 généraux menacent explicitement la République d'un coup d'état militaire. Marine Le Pen les appelle à la rejoindre. Aucune réaction de Florence Parly, Jean Castex, ni même d'Emmanuel Macron. Des militaires appellent à une chasse aux sorcières, à une éradication, à défendre des valeurs civilisationnelles à rebours de la République. Ça finit sur une menace de guerre civile. Le Pen salue ses apprentis factieux et rien. On se réveille, a renchéri le député France Insoumise Éric Coquerel. Conclusion pour Aurélien Taché, la démocratie française est bel et bien menacée. La semaine précédente, Valeurs Actuelles avait publié une tribune de Philippe de Villiers titrée « J'appelle à l'insurrection ». Son frère Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées, est par ailleurs cité par certains comme possible candidat à la présidentielle de 2022. Alors, avant de vous solliciter, voici la partie la plus polémique de cette lettre ouverte, je vous la lis. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser, sinon, demain, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Donc là, je viens de lire la partie la plus polémique de cette lettre, du point de vue de ceux qui la critiquent, et qui est donc signée par ces officiers, que ce soit des généraux ou bien des officiers supérieurs, ou simplement des militaires du rang. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous voulez me dire peut-être de cette lettre, avant de parler des réactions qu'elle a engendrées? Est-ce que quelqu'un voudrait réagir sur ce qui est prêté? Parce qu'il y a de la surinterprétation, j'ai quand même un petit peu l'impression. La lettre est adressée formellement à Macron, au gouvernement et aux parlementaires, donc elle n'est pas adressée au peuple notamment. Hein. Elle est ouverte, mais elle n'est pas adressée au peuple. Il y a quand même une forme d'accusation assez nette en disant voilà le laxisme, l'indécision, etc. peut mener à une guerre civile. Et donc il est temps de réagir. Bon, qu'est-ce que vous voulez en dire de cette interpellation? Si tu me permets, moi j'aimerais poser une question. J'ai vu la news il y a peu. Et je suis passé très rapidement dessus, je ne m'y suis, pour ainsi dire, pas arrêté. Pour une raison toute simple, j'avais cru comprendre, soit dans le titre, soit dans un commentaire, j'avais cru comprendre qu'il s'agissait de militaires en retraite. Est-ce exact? C'est tout à fait juste, oui, en retraite, oui. Ah. Pourquoi? Vas-y, continue sur ta pensée. C'est parce que ça mérite une réflexion plus profonde. C'est difficile de s'exprimer comme ça, mais disons que, dans les grandes lignes, le problème, c'est qu'un militaire en retraite, a priori, n'est plus, ou en tout cas moins, tenu au devoir de réserve. Donc il a plus de liberté de parole, et il prend moins de risques. Ça n'a pas du tout le même poids qu'une déclaration faite, qu'une lettre ouverte écrite par des gens qui seraient en service. Ceux-ci sont tenus au devoir de réserve toujours. Alors là, on peut faire des comparaisons avec l'histoire du siècle passé. On peut se dire, bon, ce que ça implique, ce que ça n'implique pas. Mais là, il faudrait, je vais dire, si je me mets à parler maintenant, je vais probablement divaguer. Qui d'autre ? Effectivement, le fait que ce soit des militaires en retraite et une lettre ouverte adressée directement au chef de l'État, ça égratigne un peu la thèse évoquée par Mélenchon d'une sorte de coup d'État prémédité, quoi. C'est plutôt une sorte de mise en garde, ou alors une sorte de diagnostic partagé par plusieurs militaires. Coup d'État, bon, là c'est vraiment pour... parce que Mélenchon, il vit sur la planète aussi. Hein. Le Mélenchon, il voit militaire et après approuvé par Marine Le Pen, il pense qu'il y a les Allemands qui sont là dans les Ardennes et qui vont revenir, quoi. Oui, il y a une grande part de d'hallucination collective à gauche. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Hein. Ce sont des gens qui ont une lourde tendance à la mythomanie, effectivement, à gauche, oui. Et puis, il y a une culture anti-armée, anti-flic. Hein. Ah oui, ça, pour le coup, on n'a pas besoin de le préciser. Oui, c'est c'est clair que... je veux dire, bon, la gauche socialiste, voilà, bon, non. Mais la gauche radicale, oui, il n'y a pas besoin de faire un tableau. Ces gens-là n'aiment pas l'armée, de toute façon. Donc, ils vont pas... C'est les mêmes mecs, quand il y a un attentat, ils ne voient pas un islamiste, ils voient un électeur. C'est juste. On en a parlé tout à l'heure. On en a parlé, oui, non, mais c'est bien de le rappeler. Oui, quand ils voient un attentat, ce qui n'est pas du tout acquis, hein, d'ailleurs, hein, ils voient des assassinats, des meurtres, tu vois, genre, bon, mais ils ont du mal à avoir des attentats quand même. Oui, t'as tout à fait raison. Moi, je suis d'accord. Bon, je vais donner mon point de vue quand même. Le fait que ce soit des retraités, moi, quelque part, ça me dérange toujours un petit peu. Alors, vous allez me dire pourquoi. Bah, parce que. Est-ce qu'on imagine, alors on va me dire, c'est peut-être pas leur velléité en premier lieu, mais est-ce qu'on imagine Napoléon Bonaparte attendre paisiblement sa retraite avant de prendre, comment dirais-je, sa plume pour adresser un courrier à la très disparue convention ou bien au directoire ? Bon, évidemment pas, par définition, l'homme d'action issu de l'armée qui veut... changer le cours des choses est un homme d'active, c'est évident, hein. C'est tout à fait clair. Donc c'est ce qui fait un peu déjà relativiser la portée du courrier, c'est qu'ils sont tous en retraite. Bon, ça ne veut pas dire que quand on est en retraite, on ne peut pas avoir de bonnes idées, c'est pas ça que je dis, mais on met en avant leur qualité de militaire et puis on oublie un peu vite qu'ils sont en retraite. Donc comme ils sont en retraite, ça veut dire qu'ils ont quand même attendu d'être en retraite. Donc il y a là, si vous voulez, une forme de prudence professionnelle qui laisse sous-entendre qu'on n'a pas affaire à des révolutionnaires. Hein, bon, bien. Alors vous allez me dire que par définition, une armée, enfin, les officiers d'une armée ne sont pas censés être des révolutionnaires, ils sont censés obéir aux ordres, mais c'est juste. Mais bon, quand même. Ensuite, elle est adressée au chef de l'État et au chef des armées par voie de conséquence, donc elle n'est pas adressée au peuple, donc déjà le destinataire est quelqu'un qui est en fonction et dont il respecte visiblement la qualité de chef des armées précisément. Donc, là aussi, ça tend à laisser penser qu'il n'y a pas de volonté de remise en cause, j'allais dire, de la forme républicaine du gouvernement, comme on dit. Ça me semble acquis. Bon, alors par contre, il y a une date qui interpelle, c'est ce que nous dit d'ailleurs Benoît Hamon, qui nous dit, pour les 60 ans du putsch d'Alger, c'est quand même étonnant de voir cette lettre apparaître. Alors effectivement, le putsch d'Alger a eu lieu dans la nuit du 21 au 22 avril, et c'est la date à laquelle est parue cette lettre. Alors est-ce que c'est fortuit ? Est-ce que ça a été pensé ? Bon, j'ai du mal quand même à croire que des gens comme des généraux, enfin une vingtaine de généraux faisant une lettre pour mettre en garde le chef de l'État... soit si peu informé qu'il n'aurait pas remarqué que c'était à la même date. Donc je pense quand même que, sans vouloir, voilà, ils ont quand même voulu un peu signer le propos, donc je pense que c'est quelque chose de tout en retenue, mais qui peut avoir une petite connotation. Alors le problème, c'est que si c'était effectivement l'intention, donc c'est entre guillemets, si, hein, c'est que le putsch des généraux à Alger... a échoué. Donc, je veux dire, je sais pas. Je veux dire, bon, c'est qu'est-ce que là, on va peut-être prêter des intentions qui sont pas présentes et tout. Donc je sais pas. Donc là, il peut y avoir des conjectures et tout. On va peut-être se perdre. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit ensuite la lettre? Alors là, pour le coup, explicitement, qu'est-ce que nous disent ces gens? Ils nous disent, attention, il y a un risque de guerre civile. Je trouve le propos très mal choisi. Le terme est très mal choisi. Nous n'avons pas affaire à une guerre civile. La guerre civile, c'est quand au sein d'un peuple, il y a un désaccord politique qui est tel qu'il devient violent. Alors, les guerres de religion ont dégénéré en guerre civile, mais nous avions affaire à des gens du même peuple. Nous avions des Français. Donc les gens qui étaient de même origine, qui venaient des mêmes villages, etc., mais qui se sont séparés pour des questions d'abord religieuses et ensuite en réalité politiques, parce qu'il y avait des lourds contentieux aussi vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de l'aristocratie, etc. Donc, mais on avait affaire au même peuple. Donc c'était une question de guerre civile. De la même façon, un autre épisode de guerre civile, c'est la guerre 39-45, et plus spécialement l'occupation allemande et ensuite ce qui s'est passé peu après, quoi, hein, où il y a eu des règlements de compte entre Français extrêmement violents. Ça aussi, ça a un caractère de guerre civile. C'est un caractère de guerre civile. En revanche, ce que nous vivons actuellement n'a pas du tout l'aspect d'une guerre civile. C'est une invasion. Ce sont des populations étrangères qui envahissent, alors avec la complicité des pouvoirs établis, bien sûr, mais qui envahissent et qui imposent leur ordre ou leur désordre et qui attaquent les populations autochtones, c'est-à-dire les Français de souche, etc. Voilà. Mais ce n'est pas du tout une guerre civile. Ça, je m'oppose totalement à cette qualification-là. C'est une invasion qui devient d'ailleurs de plus en plus violente, quoi. Ça, c'est important à souligner parce qu'on ne parle pas du tout du même problème. Forcément, je veux dire, une guerre civile sous-entend un règlement politique à terme. Oui, mais il suffit de voir la réaction que tu as citée tout à l'heure de différents personnages de gauche et d'extrême gauche pour se rendre compte que s'il y avait un début d'affrontement, on ne sait pas, on n'a aucune certitude sur la position que prendraient ces gens. Seraient-ils aux côtés de leurs compatriotes ou seraient-ils aux côtés d'un ennemi idéologique fut-il bronzé? Ah oui, là je suis d'accord. Là par exemple, effectivement, l'affrontement entre ce qui reste de la gauche, ce qui reste de la droite, etc., a un caractère de guerre civile sur fond d'invasion. Ça, je suis d'accord un petit peu. Alors attention, je ne fais pas d'analogie, hein, je ne compare pas le Troisième Reich aux musulmans, ça c'est le truc qu'adorent faire les juifs et la droite en juivet, c'est pas ça que je dis, mais il y avait ceux qui étaient les partisans de l'ordre nouveau, qui étaient partisans d'une collaboration avec l'Allemagne, etc. Et puis il y avait ceux qui s'y opposaient. Bon, ils étaient très, très peu nombreux, hein, ça a été très surfait après la guerre, mais là, on l'a vu, des Français... s'affronter là-dessus. Donc là, je suis d'accord. De ce côté-là, tu as raison. Là, je te rejoins. Mais l'essence du propos de cette lettre ne vise pas d'abord et avant tout cette gauche radicale pro-islam. Hein. Il parle d'abord et avant tout de l'invasion elle-même. Hein. C'est ce qu'ils nous disent. Hein. Ils nous disent... Ouais, c'est ça quand même l'essentiel du propos. Même si on pense bien que les rédacteurs de la lettre... ne perdent pas de vue qu'il y a des traîtres, quoi, hein, comme on pourrait les appeler. En fait, la réaction que tu as décrite, elle est quand même là. Ces gens de gauche et d'extrême gauche sont fondamentalement d'instinct, de tradition, ils sont antimilitaristes. Moi, je me souviens d'un de mes meilleurs amis qui est décédé aujourd'hui, qui m'avait dit qu'il était un communiste. Et on discutait, on se traitait de nazis et de coco l'un l'autre. Et le type m'avait dit un jour, mais toi, on ne sait pas discuter avec toi. Tu es militaire, tu vis dans un milieu professionnel d'essence fasciste par définition. Donc on ne sait pas discuter avec toi. Mais cet argument se retourne contre les cocos également. Alors, imaginons qu'arrivent des incidents suffisamment graves que pour faire sortir au moins quelques militaires de leur caserne, ne serait-ce que pour maintenir un semblant de paix dans les rues des villes, parce que c'est là que ça va se passer. Comment vont réagir les communistes? Moi, je suis prêt à parier que ces gens vont descendre dans la rue et manifester. Ils l'ont fait ailleurs, et il y a environ un siècle, effectivement, tu l'as laissé entendre. Je pense qu'ils sont parfaitement capables de le recommencer. Ah bah oui, non mais de toute façon, durant les guerres de décolonisation, alors on va pas ouvrir le débat de la colonisation, etc. Est-ce que c'était justifié ou pas? Est-ce qu'il fallait décoloniser? Bon, ça c'est autre chose. Mais on les a vus à l'œuvre. Je veux dire, durant la guerre d'Indochine et durant la guerre d'Algérie, on a vu l'attitude du Parti communiste. Donc moi, j'ai pas de raison d'imaginer que leur attitude sera différente cette fois-ci. Quoi. À mon avis, ils vont continuer sur leur lancée, qui va consister à faire ce que fait Mélenchon. Enfin voilà, on en a parlé un peu avant, c'est-à-dire que quand... Ils n'osent pas encore dire que quand un musulman plante un flic, c'est bien. C'est une question de temps. Hein. Je veux dire, il faut attendre encore 10 ans. Et d'abord, il y aura beaucoup de bougnoules, beaucoup plus de bougnoules dans ces anciennes organisations de gauche. Et c'est un meurtre, c'est un assassinat. Ils diront non, c'est de l'autodéfense. Ça sera, à mon avis. Je crois qu'ils craignent. Hein. La gauche réagit comme ça parce que j'ai l'impression qu'elle considère les retraités militaires comme étant en quelque sorte la marionnette du ventriloque. C'est-à-dire qu'elle reflète la pensée de nombreux militaires qui n'ont pas le droit de l'exprimer. Je pense que c'est ça qu'ils craignent. Oui, tout à fait. Non, mais c'est tout à fait ça. Ils se disent, attention, est-ce que c'est représentatif? Dans quelle mesure c'est... Bon, alors, comme c'est pas un retraité, par exemple, un général, mais qu'il y a quand même 20 généraux, qu'il y a d'autres officiers supérieurs, et donc on peut se dire que ça reflète, alors pas un consensus dans l'armée française, en tout cas dans le corps des officiers, mais on peut se dire que ça représente très certainement l'opinion d'au moins une minorité du corps des officiers. Ça, on peut se dire que, voilà, dans une certaine proportion, il y a au moins une minorité d'officiers français qui pensent ça. Voilà, par déduction, ça, on peut se dire. Ce qui est suffisant, en fait, pour susciter... ce qui est suffisant pour susciter le doute. Alors oui, on me signale effectivement que Picmal a signé. Alors, bon, moi, je ne vais pas m'arrêter sur la qualité politique des signataires. C'est vrai qu'on pourrait s'arrêter là-dessus, etc. J'ai vu le principal signataire, d'ailleurs, qui est issu de la gendarmerie, n'est pas du tout un excité. Hein. Je l'ai entendu parler sur Sud Radio. Voilà. Il dit des choses assez convenues, je veux dire, enfin, en tout cas, très, très en deçà de ce que nous, on dit, hein, bien sûr, ou ce qu'il peut se dire dans la droite identitaire, en général. Je veux dire, il dit des choses assez convenues. Il dit, voilà, il avait fait cette mention-là. J'ai cité le nom hein, du principal rédacteur, mais je ne l'ai plus en tête, là. Il dit, il y a quelque chose qui me choque, c'est que il y a eu l'affaire Zecler, vous savez, cette histoire de ce nègre-là qui a eu maille à partir avec des flics qui sont foutus sur la gueule, etc. Bon, ça a fait tout un pataquès, c'était encore... Une nouvelle affaire d'État qui n'en était pas une, mais simplement les bougnoules et les nègres étaient surexcités sur les réseaux sociaux, donc on en a entendu parler, plus les gauchistes. Mais il a dit, ça m'a choqué, parce que dans le même temps, il y a un Soudanais dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile, dans la région de Bayonne, me semble-t-il, vous me corrigez si je me trompe, qui a assassiné à l'arme blanche un bénévole hein, qui s'occupait de ce centre. Et il dit, ce qui me révolte, c'est le deux poids deux mesures dans le traitement médiatique et dans la tension médiatique que ça suscite. C'est-à-dire que vous avez d'un côté, alors pour le coup c'était un gauchiste en plus qui s'occupait des demandeurs d'asile, quoi. Mais vous avez un mec qui se fait assassiner par un migrant. Bon, on en parle un peu et puis c'est vite évacué. Puis à côté de ça, il y a un nègre qui se fait passablement bousculer lors d'une interpellation un peu difficile. Voilà, on suspecte. Un ou deux mots racistes, et c'est une affaire d'État. Tous les projecteurs sont braqués sur l'affaire, les ministres s'emparent du truc, et disent on est dans une situation très ahurissante, au fond, où un homme meurt, et tout le monde s'en fout, parce qu'il n'a pas la bonne couleur de peau, parce que c'est un blanc, et un nègre serait un peu malmené, on lui paraît un peu de travers, et ça c'est une affaire d'État. Et il dit, là il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui m'interpelle. Alors évidemment, il y a des explications à tout ça. Mais disons que c'est ce qu'il dit en substance, l'initiateur de cette lettre. Donc vous voyez que c'est une interrogation finalement assez, assez entendue, assez convenue de ce qu'on pourrait dire, voilà, un mec de, voilà, de droite, voilà, un militaire de droite, voilà, pas très radical, voilà, mais qui dit qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Alors évidemment, nous, ça fait très longtemps qu'on est passé bien au-delà de ce type de questionnement, mais enfin, bon, voilà, c'est pour vous dire que c'est pas non plus... c'est pas des extrémistes, hein, je veux dire, voilà. Donc, je pense que ce type de questionnement-là, ils l'ont... Il y a beaucoup d'officiers de l'armée qui l'ont, ils disent, putain, ça va dans quelle direction, ce truc. Mais c'est pas pour autant que ça fait des putschistes. C'est pas pour autant que ça fait des putschistes. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il y a un malaise, le sentiment qu'il y a une dissolution, un truc, que ça entraîne par nécessité une réaction putschiste. C'est pas du tout. Je dis pas que ça peut pas exister, mais je veux dire, c'est moi, en lisant la lettre, c'est pas ça. Alors, en revanche, toujours dans ce qui est dit explicitement dans le courrier, alors là, on a fait un peu de la sémantique, mais c'est toujours bien quand même de s'entendre sur les mots, mais il dit grosso modo, au bout d'un moment... il dit, voilà, nos camarades, quoi, nos camarades de l'armée d'active seront obligés d'intervenir dans les rues, dans le cadre d'une confrontation, il y aura des milliers de morts et ça sera de votre faute. Alors là, quand même, vu que le courrier est adressé à Macron, ils disent quand même à Macron, attention, coco, entre guillemets, potentiellement, si tu fous rien, le désastre futur, tu pourras pas t'en laver les mains. Tu seras comptable de ce qui va se passer. Parce qu'au final, l'armée sera obligée d'être déployée. Alors, là, quand même, on est obligé de se poser la question. C'est-à-dire que, admettons que ce ne soit pas du tout une menace ou quoi que ce soit, que ce soit plutôt une lettre qui dise « Attention, il y a un vrai danger, on peut anticiper ce qui va se passer, si vous ne faites rien, voilà ce qui va arriver, il y aura des milliers de morts, et ce sera nos camarades d'actifs qui seront dans les rues. » Vu qu'elle est signée par 20 généraux et qu'elle est adressée à Macron directement, on ne peut pas non plus prendre ça comme une forfanterie. Vous comprenez, c'est sérieux quand même. Et fatalement, oui, on peut se dire qu'évidemment, au bout d'un moment, non pas parce qu'il y a des velléités d'affrontements raciaux, etc., mais au bout d'un moment, oui. L'armée française est déjà déployée dans les rues. En tout cas, même si les effectifs ne sont pas massifs, on a quand même des militaires dans les rues. Donc, je veux dire, donc à terme, si l'immigration de masse continue comme elle continue, là, on est à 10 millions de musulmans, je l'ai dit, 15 à 16 millions d'allogènes dans les maternités en France. Aujourd'hui, on a 45% de naissances non blanches, extra-européennes, dont une majorité de musulmans. Il y a en 2020, 20% des nouveau-nés qui ont un prénom musulman. Ça nous amène dans 20 ans à un cataclysme racial et aussi religieux, qui aura par définition une dimension séparatiste, y compris au plan territorial. Donc l'armée, même si elle est républicaine, même si ses officiers sont de bons francs-maçons, loyalistes, ils sont quand même bien obligés de constater qu'ils vont vers un truc bizarre. C'est pas de l'ordre de l'adhésion ou du désir, hein. Ils sont bien obligés de dire « on va vers un truc étonnant ». Et voilà, alors, est-ce qu'une partie du corps des officiers va au-delà et dit « oui, on va vers un truc bizarre et ça va être sanglant » Bah, visiblement, oui, puisque c'est l'essence de la lettre. Voilà. Donc, on peut au moins dire ça. Maintenant, le problème, c'est que l'armée, traditionnellement, n'aime pas faire de la politique. L'armée n'est pas conçue pour ça. Il y a des officiers de l'armée qui ont fait de la politique, hein. Bon, Bonaparte, De Gaulle, bien sûr, pour citer que cela. Mais en général, c'est pas leur parti. Ils aiment pas ça. Ils aiment pas avoir affaire aux civils, d'ailleurs, en général. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous auriez à dire quelque chose sur l'esprit de cette lettre? En tout cas, il parle. Bon, il n'y a pas le mot qui est prononcé, hein. Mais grosso modo, il y a une dimension islamique qui est dans la lettre. Il y a l'idée d'un éclatement, hein, même territorial, il y a la dimension territoriale dans la lettre, la notion de conflit avec des morts, des milliers, dit-il, déploiement de l'armée, bon, ça commence déjà à... Voilà. Moi, j'ajoute le mot, hein, guerre raciale, c'est évident, c'est inévitable, on est déjà pratiquement dedans, et aussi à caractère religieux avec la dimension islamique. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus, en plus? Je pense que c'est du vent. C'est du vent. De temps en temps, comme ça, les généraux, une fois tous les 5 ans, tous les 10 ans, l'armée se fait un petit communiqué, comme ça, pour dire « Oui, mais quand même, là, ça va pas bien. » La seule question qui vaille, c'est est-ce qu'ils vont agir? Est-ce qu'ils vont faire un putsch ou non? Je pense que ça sera jamais le cas. Donc voilà, c'est une communication, c'est... Je sais pas, ils veulent peut-être se donner l'impression d'agir, mais ça sera jamais... Ça n'aboutira à rien, quoi. Je veux dire, voilà, c'est du vent. En fait, je crois que cette lettre présente surtout le constat de gens qui observent leur propre gouvernement suivre une très mauvaise politique intérieure. Mais en plus, la situation est similaire dans pratiquement tout le monde occidental, y compris aux États-Unis. Même si on invoque des différences, c'est quand même pareil. Vous remarquerez que les premiers qui sont en ligne, ce sont les policiers, les gens, enfin les forces de l'ordre en général, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Dans le cas de la France, on l'a encore vu avec le fait divers de Rambouillet, et ce n'est pas le premier, ce sont les policiers qui sont les forces de l'ordre, pardon, qui sont les premiers à subir les effets de la première ligne, je vais dire. Alors, je crois que cette lettre est quand même un avertissement. S'il devait arriver un accident grave aux États-Unis, vous savez parfaitement bien, vous vous doutez que ça ferait mal. C'est pareil en France, c'est pareil dans les pays européens, parce que s'il y avait un incident quelque part d'une certaine ampleur, il y a d'autres pays, les forces équivalentes du moins, qui suivront. Ça, j'en suis convaincu. Alors, je fantasme pas moi sur le putsch militaire parce que, d'ailleurs, en général, il y a quand même une récurrence historique en France, c'est que toutes les républiques ont été renversées par un putsch militaire quasiment. Bonaparte a enterré la Première République. Napoléon III a enterré la seconde, alors pas au terme vraiment d'un putsch militaire, mais d'un virage très nettement autoritaire avec quand même l'appui de l'armée, c'est évident. On a eu la Troisième République qui a été foutue en l'air, alors en fait qui s'est sabordée en réalité, elle s'est sabordée, on a remis les clés à Pétain, mais enfin on a quand même remis les clés à un militaire. La Quatrième République, c'est Charles de Gaulle qui l'a renversé avec un putsch militaire qui n'a pas dit son nom, mais en 58, il avait les parachutistes qui étaient prêts à sauter sur Paris s'ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient, à savoir les clés du pouvoir. Donc ce qu'on ne dit jamais, c'est que la Ve République, dont on nous tâle les oreilles matin, midi et soir, est en fait le fruit d'un putsch à caractère bonapartiste et militaire. Bon, je ne sais pas si la Ve République finira dans le caniveau de la même façon. Peut-être pas, mais bon, il y a quand même une récurrence, en tout cas suffisamment pour inquiéter les républicains en général, vous voyez. Mais les républicains, vous le remarquerez, c'est ce que je viens de dire, n'ont jamais opposé aucune résistance. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'ils avaient fini de faire leur saloperie, ils se faisaient botter le cul, ils partaient en courant, et puis ils demandaient pas leur reste, en fait. C'est toujours passé comme ça. C'est qu'en fait, une fois qu'ils avaient mené parce qu'à chaque fois, ils sont fait virer après un désastre. Hein. Ça a toujours été ça. Les républicains ont systématiquement mené la France au désastre. Systématiquement. Ça s'est toujours produit de la même façon. Et à chaque fois, ils partent en courant parce qu'ils savent très bien que s'ils demandent des comptes, ils vont finir au. Ça va très mal se passer pour eux. Donc en fait, ils sont plutôt contents. De se faire inviter à dégager pour pas que ça s'éternise, quoi. Hein. Bon, mais là, je sais pas ce qui va se produire. Hein. Puis, je veux dire, bon, l'armée française est quand même dans un état de pourrissement elle-même très avancé. On a eu des courriers de militaires sur le sujet qui nous expliquaient bien que beaucoup d'unités sont déjà gangrénées par les mêmes maux que la société, parce qu'en fait, il y a une porosité, tout simplement. Donc, il est hors de question d'idéaliser là-dessus. Hein. Moi, je pense que ce serait déplacé. Mais bon, comme les militaires sont amenés à réfléchir quand même sur des menaces d'ordre sécuritaire, il faut bien qu'ils regardent ce qui se passe. Et de ce point de vue-là, je pense que si nous, on fait le constat assez objectif, je crois, qui est le nôtre, je crois pas que des officiers puissent faire un constat très différent. Hein. Bon, sauf s'ils sont politisés, vendus, voilà, et auquel cas ils s'en foutent de ce qui se passe. Mais voilà. Alors, je voulais peut-être préciser un point, un truc qui m'a intéressé. Je sais pas si vous avez suivi ça. Récemment, il y a l'état-major français qui a dit voilà, va falloir qu'on révise totalement notre stratégie. Bon, c'est un peu la même chose aux États-Unis, mais va falloir qu'on révise complètement notre stratégie parce que voilà, ça fait 30 ans qu'on fait, 20 ans qu'on fait de la contre-insurrection, etc., face à des ennemis très peu armés ou mal armés. Bon, c'est bien gentil, mais il faut qu'on se prépare à mener une guerre conventionnelle. C'était The Economist, d'ailleurs, qui parlait de ça il y a quelques semaines, en parlant de la France hein, et de l'armée française, et en citant des sources militaires françaises, en disant, voilà, il va falloir qu'on se prépare à affronter un ennemi conventionnel. Et on citait deux pays cibles. La Russie ou la Turquie. Voilà, c'était les deux pays qui étaient cités. Et donc que la France allait devoir complètement se réorganiser, réorganiser sa structure, réorganiser sa doctrine, sa formation, etc., en vue d'une confrontation face à un ennemi conventionnel, une armée compétente, professionnelle, avec des moyens de destruction tout à fait considérables. Et donc, il allait falloir changer complètement de modèle. Donc, ça c'est ce qui est discuté en ce moment. Alors, les gens se sont demandé, bon, d'accord, alors on va affronter la Russie. Bon, c'est pas très crédible, parce qu'on voit pas exactement quel serait le contentieux majeur qui pousserait la France à affronter une puissance nucléaire comme la Russie. Bon, ça paraît pas très probable, entre nous soit dit. Alors après, on peut se dire, oui, mais bon, la posture de l'Amérique face à la Russie change, donc la France est obligée de s'adapter, etc., dans le cas de l'OTAN, etc. Peut-être, oui, bon. Je suis pas très convaincu, mais bon, peut-être, oui, c'est possible. Contre la Turquie d'Erdogan, ça me paraît déjà beaucoup plus crédible. Pourquoi ? Bah parce que les désaccords géostratégiques entre la France et la Turquie se précisent, et s'accumulent d'ailleurs. C'est parti de la Syrie, avec le soutien aux Kurdes de la France. Et puis ensuite, le truc s'est déplacé dans les eaux territoriales grecques et chypriotes pour des histoires de gaz. La Russie, Emmanuel Macron s'est porté au secours de la Grèce, légitimement d'ailleurs, pour contrer les velléités de redéfinition territoriale voulues par Erdogan, qui veut en fait s'emparer de réserves de gaz qui ne lui appartiennent pas. Puis ça a débordé sur la Libye, où la France, au départ, soutient le gouvernement qui se trouve dans l'ouest du pays, et qui est gouvernement d'ailleurs, qui est composé d'islamistes, et qui était soutenu aussi par Erdogan, notamment dans la région de Misrata. Bon, on ne va pas faire non plus trop de géographie, mais à Misrata, il y a une espèce de colonie turque, en fait, historique, qui est le point d'entrée de la Turquie dans la région, qui fait que maintenant la France est dans une situation très, très ambiguë, parce qu'elle ne sait pas trop qui soutenir, parce qu'il y a l'ONU, il y a les États-Unis, enfin, tout ça est très compliqué. Bon, mais la Turquie maintenant a fourré son nez en Libye et a déployé des troupes là-bas, et maintenant ça déborde, puisque vous avez vu que cette semaine, le président du Tchad, pro-français, est mort. Il avait 70 ans, il est mort dans un clash face à des concurrents soutenus par Erdogan et armés par Erdogan. Donc en fait, on voit que la Turquie, de plus en plus, évince la France de tous les points où elle se trouve. Donc ça donne déjà beaucoup plus de substance à la nouvelle doctrine que défend l'état-major français. Enfin, en tout cas, la redéfinition qui est la sienne. Bon, d'accord, très bien. Mais ce qui retient mon attention par rapport à cette lettre ouverte, c'est pas tellement ça, c'est que dans l'intention de l'état-major était spécifiée la nécessité, en cas de conflit de haute intensité contre donc un État, et non plus contre des groupes armés dans des pays comme on a fait jusqu'à présent, il fallait tester la résilience, je cite, de la société française. Et là, c'était quand même assez lourd d'implication. C'est pas visible quand on le lit, mais quand. Et il suffit d'avoir un peu d'imagination pour comprendre que c'est pas un propos gratuit. Alors quand on dit tester la résilience de la société française face à un conflit de haute intensité contre un État qui peut être la Turquie, ça pose inévitablement la question des masses musulmanes présentes sur le territoire français, fatalement. D'autant qu'Erdogan ne se cache pas de les démarcher politiquement. Encore Macron a parlé d'ingérence en vue de 2022 en disant qu'Erdogan veut faire pencher la balance. Je vois pas pour qui, parce que face à lui, il a, en tout cas à ce stade, Marine Le Pen, donc je vois pas Erdogan faire voter Marine Le Pen, encore que peut-être étant machiavélique, je le vois pas appeler les Turcs à voter Marine Le Pen, donc ça me paraît un peu bizarre. Mais bon, c'est les accusations de Macron. Mais tout ça pour vous dire que le champ ouvert par l'état-major, intellectuellement j'entends, laisse supposer qu'on peut avoir un front sur le territoire français. C'est ça le truc. Alors je me suis dit, est-ce que le front principal serait à l'extérieur ou est-ce qu'il serait à l'intérieur ? Et quelle est la véritable intention ? Est-ce que par la bande, l'état-major ne serait pas en train de contraindre à préparer des plans si jamais il y a des problèmes très sérieux avec tous ces musulmans qui sont présents sur le territoire français ? J'en sais rien, je suis pas dans le secret des dieux, mais pour moi, là, il y a quelque chose qui se passe, et je pense tout simplement que c'est pas leur désir, c'est pas ce qu'ils souhaitent, mais qu'au bout d'un moment, ils sont quand même bien obligés de prendre en compte le fait qu'il y a 10 millions de musulmans présents en France. Alors évidemment, les militaires sont les premiers à dire « oui, mais ils sont pas tous machin, il y en a beaucoup qui sont de très bons soldats, etc. » Ils nous diront... tout le bien qu'ils pensent des musulmans en France, mais au bout d'un moment, ils vont bien se faire rattraper par la tignasse. Notamment avec des gens comme Erdogan, qui sont des gens quand même très dangereux. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai tenu quand même à préciser ce point-là. Alors, je suis pas catégorique, je dis pas que, voilà, je dis pas, ouais, c'est le plan de l'armée. Je pense que maintenant, même au sein de l'état-major, alors on va me dire, oui, mais c'est déjà, parce que Zemmour avait parlé ça, hein, le plan ronce, etc. Moi, je parle même pas de ça. Reconquérir un quartier, une ville pris par des islamistes. Je parle pas du tout de ça, je parle même pas du plan sécuritaire. On sait très bien que l'armée française peut reconquérir des quartiers, des villes, des régions, c'est pas du tout le problème. Mais au bout d'un moment, comment vous faites quand vous avez 10 millions de gens qui vous haïssent parce qu'ils sont consubstantiellement différents de vous-même et qu'ils ont une religion qui est incompatible avec ce que vous êtes? Et quand vous regardez le volume d'arrivées, 400 000, 300 000, 500 000, 2 millions sous la mandature Macron, et que ça va continuer, quand vous regardez la natalité, vous savez que c'est qu'une question de temps, avant le basculement. Donc au bout d'un moment, même si vous êtes de bonne composition, même si vous êtes un officier républicain, antiraciste, voilà, que vous avez avalé toute la décoction antifasciste du gaullo-communisme, je veux dire, vous avez quand même un problème. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et à mon avis, ça doit faire gamberger, c'est ce que je voulais dire. Quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Hubert, peut-être, toi, tu connais un peu, t'es quand même un peu de la partie. J'observe une chose, moi, c'est que dans l'histoire de la guerre, de tout temps, quelles que soient les armes. Lorsqu'une partie, une nation ou une société ou quoi, devient arrogante comme les Erdogan, c'est tout simplement parce qu'il sait qu'en face de lui, ceux qui pourraient s'opposer sérieusement à ses desseins n'ont plus la force de s'y opposer sérieusement, n'ont plus l'audace pour le faire. Et donc, son arrogance se justifie. Il sait aussi que l'ennemi potentiel est affaibli à l'intérieur. C'est le cas de l'Occident. Les nations occidentales se sont elles-mêmes affaiblies à l'intérieur par en désarmant de plus en plus progressivement, mais aussi, comme tu l'as dit, en accueillant des gens qui pourraient être utiles à l'arrogant en question. Donc, c'est probablement ça qui fait que une voix s'est fait entendre avec les militaires en retraite. Je pense que c'est l'ensemble de ce que je viens de dire, des deux éléments convergents, affaiblissement intérieur pour nous et arrogance extérieure pour l'adversaire potentiel. C'est peut-être tout simplement ça, plutôt que la crainte d'un affrontement intérieur. Mais si jamais il devait y avoir affrontement extérieur, il y aura affrontement intérieur. Je crois que c'est le but de la lettre. Je le ressens comme ça. Oui, on peut se mettre d'accord sur la forme qui est plus la forme d'une mise en garde ou d'un avertissement que d'une menace à proprement parler. Mais c'est une mise en garde qui m'a l'air lourde. Oui, parce que... De sens, quand même, oui. Bien sûr, parce que, en prenant le cas que tu as cité de la Turquie, d'Erdogan, récemment, Erdogan a carrément tourné le dos. Erdogan, qui est un des alliés majeurs des États-Unis, hein, il ne faut jamais l'oublier. Erdogan a tourné le dos aux États-Unis. Il participait au fameux programme de l'avion F-35. On en pense ce qu'on veut de ce F-35. Il a tourné le dos sans avoir à dire prout aux États-Unis. Il s'est tourné vers la Russie, a acheté des systèmes de défense aérienne de type S-400. Et du coup, les Américains ont dit « Ah, mais si vous prenez les S-400, nous, on ne vous fournit plus les F-35 ». C'est quand même audacieux, hein. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais il faut, de la part d'Erdogan, il faut oser, hein. Bah, en fait, oui, mais il fait monter les enchères, c'est-à-dire qu'il a, il a une posture qui est beaucoup plus offensive. Il fait monter les enchères entre la Russie et les États-Unis. Et il voit bien aussi, parce que ça c'est un fait, que l'Union européenne et que l'Europe en tant que telle est un ventre mou. Parce que c'est démocratie libérale... comment dirais-je, sans frontiériste, gouverné par des femmes et des gauchistes, il sait très bien que c'est du beurre, que tu peux rentrer là-dedans comme tu veux, qu'il n'y a pas du tout d'opposition. Alors bon, en termes de puissance pure, il reste quoi en Europe? Il faut le reconnaître, la France a encore une armée. Bon, elle est en mauvais état, mais il y a encore quand même une armée qu'on peut qualifier d'armée. La Grande-Bretagne a encore une armée qu'on peut qualifier d'armée. Mais une fois que tu enlèves ça, tu retires ça de l'équation, je suis désolé, dans les Balkans, jusqu'en Allemagne, enfin, qu'est-ce qui arrêterait demain, l'armée d'Erdogan s'il décidait de l'envoyer en Europe? Mais absolument rien, hein, on le sait. Donc il en est parfaitement conscient aussi, Erdogan. Donc il fait monter les enchères, il sait que... les Allemands qui jouent un jeu très trouble, hein, il faut être très clair avec la Turquie là. On est beaucoup plus sur un schéma de Première Guerre mondiale que de Deuxième, hein, de ce côté-là. On voit bien que les Allemands, d'ailleurs avec l'aide de Washington, hein, essayent de créer un truc avec les Turcs pas catholiques du tout, hein, c'est le cas de le dire. Et qu'on retrouve en Libye, etc. Et les Français sont très mécontents, parce que les Français, ils sont anti-islam ou quoi. Au contraire, les Français n'ont pas arrêté, je parle des autorités françaises, n'ont pas arrêté de lécher le cul des bougnoules depuis 1945, hein, même avant d'ailleurs. Ils n'arrêtent pas. Bon. Mais ils se font quand même évincer de partout. Et Erdogan est en train d'essayer de précipiter le départ de la France, du Proche-Orient, notamment en Syrie, de les virer de Méditerranée orientale, de les dégager de Libye, de les virer de la zone du Niger, du Tchad, etc. Il veut carrément même du Mali. Enfin, je veux dire, il veut virer la France de toutes ces zones-là. Alors, bon, on en pense ce qu'on veut, mais je veux dire, ça déplaît beaucoup à Paris, ça, forcément. Et sauf que la France et les autorités françaises ont un problème. C'est que c'est le pays le plus bougnoulisé d'Europe. Donc c'est ça le problème qu'ils ont. C'est qu'ils ne peuvent plus faire comme si ils étaient totalement maîtres de leur destin. Parce qu'en réalité, les Français sont plus maîtres de leur destin, pour une partie. Voilà. Ça, c'est une réalité qui est très dure à avaler. Là, le problème est partout dans le monde occidental. Hein. Quand on regarde aux États-Unis, on voit la gauche qui est maintenant au pouvoir, qui a soutenu quoi ? Une fraction raciale pour combattre Trump. Je pense à BLM. BLM s'est même étendu, légèrement je l'admets, mais c'est quand même étendu à l'Europe. Aujourd'hui que la gauche est arrivée au pouvoir aux États-Unis, bah, BLM ne se calme pas manifestement. Et maintenant il commence à adresser des reproches carrément au pouvoir en place. Je crois qu'on a exactement le même problème chez nous. S'il y avait un changement lors d'élections ou quoi, en France par exemple, au moment où, en 22 ça vient je crois, hein, eh bien imagine un petit peu que tu aies la gauche qui soutient assez bien le vivre ensemble et compagnie, la société multiculturelle qui s'effondre, et on a une droite, si on peut dire, qui arrive au pouvoir. Bien, ce sera encore pire, ce sera le même cas américain, ce sera le même cas qu'aux États-Unis, mais en pire. Il n'y a rien dans ce que nous pourrions prévoir maintenant pour demain, dans peu de temps, vraiment demain, il n'y a rien qui joue en notre faveur. C'est ça le problème. Et c'est peut-être ça qui pousse les militaires français en retraite à parler. Ben oui, parce que c'est ce qu'ils disent dans leur lettre. Ils disent, c'est-à-dire que si tout merde, si le processus politique foire, c'est-à-dire si l'État foire, c'est les militaires qui vont devoir sortir dans les rues. C'est ça qu'ils disent. Ce qui n'est pas du tout de l'ordre du manifeste politique. C'est simplement de l'ordre de l'anticipation. Ce n'est pas polémique. C'est que si jamais demain l'État français devient défaillant, et il est déjà quand même salement défaillant, hein, je veux dire, le chaos va s'installer et l'armée va devoir intervenir dans les rues. Ils seront bien obligés, ils n'auront pas le choix. Parce qu'il y aura trop d'implications. On a souvent dit ça en rigolant, notamment ici. Vous avez des installations nucléaires en France. Je parle des centrales nucléaires civiles, etc. C'est très lourd d'implications. Il y a un niveau d'anarchie qui n'est plus tolérable. Donc c'est ça qu'ils disent. C'est ça l'esprit de la lettre, d'ailleurs. Ils disent, voilà, ils s'adressent aux gouvernants. Ils disent, hein, c'est une lettre qui est adressée aux gouvernants, c'est le mot. Puis ensuite il les nomme, il y a Macron, il y a le chef du gouvernement, il y a les parlementaires, mais c'est un truc qui est adressé aux gouvernants, et on peut l'interpréter comme ça. Je pense qu'on peut aller au moins jusque là dans notre interprétation sans sombrer dans la mythomanie. Ce que disent ces mecs là ils disent, écoutez les gars, si vous êtes payés, c'est pour faire un certain type de job, et notamment de vous assurer que l'État fonctionne. Si l'État ne fonctionne plus, c'est nous derrière qui allons devoir sauver la boutique. Et nous, on n'a pas beaucoup d'appétit pour ce genre de truc. Donc faites votre boulot. On n'a pas envie de se retrouver à devoir passer derrière et nettoyer le merdier. C'est pas quelque chose qui nous attire particulièrement. C'est ça qu'ils disent en fait. C'est ça qu'ils disent en fait. Voilà, on n'a pas envie de se taper ce genre de corvée. Donc faites votre boulot. Et la République ne le fera pas, pas plus qu'aucun gouvernement d'Europe occidentale. Et bien sûr, puisque la démocratie est infoutue de faire quoi que ce soit. Oui, la démocratie, c'est l'anarchie. Donc c'est l'anarchie, et entre-temps, avant la dissolution finale, c'est le pillage par des intérêts privés très bien identifiés. Donc voilà, donc effectivement, par bien des aspects, là, leur bouteille à la mer... ils s'en foutent. Macron n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Voilà. Il va lever les épaules. Il va lever les yeux au ciel en disant, c'est qui ces illuminés? C'est comme ça qu'il va réagir. Il va dire, qui c'est ces cons? Voilà. Puis il va y avoir des sanctions parce qu'ils vont essayer de les humilier un peu. Ils font tout le temps ça. Non, c'est comme ça en France. Hein. Parce que par contre, quand il s'agit, ça, ils sont comme ça les républicains. quand il s'agit de rappeler leurs préséances, etc., alors là, ils sont très soucieux. Donc là, je pense qu'ils vont enlever quelques médailles à quelques mecs, ils vont les empêcher de porter leur uniforme en public dans telle ou telle cérémonie. Enfin, de la petite humiliation merdique de politiciens de merde, typiquement. Vous voyez ? Donc ça va être du niveau de ces mecs-là. C'est pour ça que leur bouteille à la mer, elle rate le coche, en fait. C'est qu'on on a passé depuis longtemps ce... Parce qu'eux, ils pensent qu'éventuellement, il y a encore des gens, chez les hommes politiques, de qualité. C'est ça le problème, tu vois. Ils pensent qu'il y a encore des gens sincères, honnêtes, moralement intègres, qui peuvent faire preuve de sursaut, etc. Non, ils ont affaire à des pourris qui ont tout salopé et qui, le jour J, foutront le camp à l'étranger avec l'or. C'est ce qui s'est passé avec la Troisième République. Moi, c'est pour ça. D'ailleurs, il y a un peu un truc qui m'a fait chier dans cette lettre, je le dis franchement, de la part des rédacteurs. Bon, c'est le caractère beaucoup trop légaliste et républicain. Alors, encore une fois, les militaires sont par définition sont pas des révolutionnaires, mais enfin, on a un peu l'impression que ces gens-là n'arrivent pas à comprendre que le régime républicain est une saloperie, d'accord ? Je veux dire, il y a quand même un passif en France, quoi. La Troisième République, en 40, on a vu ce que ça a donné. C'était les Mandel et compagnie qui foutaient le camp avec les valises d'or, hein, en train d'essayer de foutre le camp, soit par Bordeaux en prenant les bateaux, avec les Mendès France qui feront des carrières formidables sous la Quatrième République. Tout ça, c'était des Juifs qui avaient pillé le pays tant qu'ils pouvaient. Dès que la boutique a commencé à s'écrouler en 40, ils ont tous filé vers Bordeaux pour prendre des navires, ou alors ils sont passés par les Pyrénées. Avec l'or qu'ils avaient piqué dans les caisses de l'État, d'accord ? C'est les mêmes gens aujourd'hui. Ces mecs-là, ils vont pas risquer leur peau pour quoi que ce soit. Ils vont tous filer. Sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de filer. Aujourd'hui, c'est très facile, hein, de booker un jet privé, de booker un hélicoptère, etc. Ces mecs-là et les comptes bancaires, c'est plus. Jadis, tu sais, en juin 40, il fallait encore avoir la valise, tu sais, avec les kilos d'or, etc. Mais maintenant, c'est plus comme ça. L'argent est complètement dématérialisé. Les types ont déjà tout sur des comptes aux îles Caïmans, à Singapour et ailleurs, je veux dire. Donc s'ils doivent foutre le camp, ils foutront le camp. Il n'y aura personne à interpeller. Maintenant, il y a quand même une chose, malgré tout, qui est positive, hein, qu'on observe dans l'histoire. Et là, on peut remonter très loin dans le temps. On peut remonter à l'Égypte antique, par exemple. Mais tous ceux qui, à un moment difficile politiquement, face aux invasions extérieures, face à un désordre profond à l'intérieur, tous ceux qui ont, à un moment donné ou à un autre, sauvé le pays, ça a toujours été des soldats. Toujours. Il n'y a pas d'exception. Parce que l'homme politique, et surtout en démocratie, c'est avant tout un carriériste opportuniste, et c'est rien d'autre. Ah oui, non, totalement. Totalement. Donc c'est le problème qu'on a. D'ailleurs, on a vu Marine Le Pen surgir, etc., mais qui a essayé de se greffer là-dessus. Moi, je suis désolé, je le dis, je le répète, Marine Le Pen est incompétente. Elle est bénéfique. C'est une opportuniste comme tous les autres. Hein. Comme tous les autres, voilà. La dédiabolisation montre déjà peu d'intérêt qu'elle porte à ses propres idées, aux idées de ses électeurs et de ceux qui la suivent. C'est une opportuniste avec un O majuscule. Tout à fait. Et d'ailleurs, la façon dont elle s'est précipitée, qui n'était même pas adressée, puisque c'était adressé à Macron, montre que, voilà, elle a les dents qui rayent le parquet, mais elle n'a pas la compétence et l'intelligence pour compenser, je veux dire, c'est cet opportunisme à ta vie, quoi. Bon, alors moi, je préfère mettre tout le monde en garde, je veux dire, elle n'est pas au niveau, et cette femme-là n'est pas à la hauteur de la situation, elle ne le sera jamais. Bon, alors, les gens, après, ils peuvent voter pour ça si ça les intéresse, mais qui ne croient pas au Père Noël, en s'imaginant que c'est... D'abord que c'est une femme, ensuite que c'est une femme politique, républicaine, qui a, ces 10 dernières années, fait tout ce qui était possible pour tout renier, jusqu'à finir, comme maintenant, par souhaiter un joyeux ramadan à l'envahisseur. Bon, soyons un peu sérieux, c'est pas avec des clients comme ça que ça ira très loin. Donc oui, non, c'est pas avec des politicards que ça avancera, ça c'est tout à fait sûr. tout à fait sûr. On peut au moins s'entendre là-dessus, sur cette lettre-là. Messieurs, je vous propose de nous quitter, de nous dire la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À plus. Salut. Merci les gars.